fou. Le plan de cette semaine assemble à Jockey. Marie-Christine Ferrand nous offrira un buffet d'art visuel et de grignotine dans le gratin et vin gratuit. Et parce que notre appétit est sans fin, on goûtera un produit du commerce dans une grosse pointe d'Andresse. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi. Aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi. Aujourd'hui. Assemblage Rookie pour la semaine du 2 mai 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et on commence sur notre chanson thème de Valise Pariétaire, remaniée par Renard Frac, toujours en direct des studios de C'est fou. On commence une heure plus tôt, dorénavant. Tania, t'as remarqué ça? Ben oui, j'ai remarqué. C'est pas un problème d'horloge mal ajusté, là, non? On est vraiment à 14h. Les mardis, en direct, 14h à 17h. On vous a pas vraiment versé à l'avance, mais bon, on est de même. C'est ça, là, c'est fait. C'est fait maintenant. Pour l'avenir, nous sommes entre 14h et 17h, mais sachez que les rediffusions changent aussi de place. Il faut aller voir le cifou.ca pour en savoir plus. Mais en gros, là, je sais qu'il y a une reprise le samedi à midi. Et puis une le dimanche en, le matin. Le dimanche matin. À 10h. Voilà. Bref, salut Tania, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, absolument. C'est le retour de ma Christine Perrin aujourd'hui pour sa chronique gratin et vin gratuit. On va parler avec elle dans une heure environ d'art visuel, de choses qu'elle est allée voir en ville. Elle s'est rincée l'œil, pas pire. Ben, elle a eu le temps, en tout cas. J'espère qu'il y a eu pas mal de choses à voir. Ça fait un mois qu'on l'a pas vu. C'est ça. Un mois ou non? Moins que ça. Peut-être trois semaines. Trois semaines, je pense. Ta chronique à toi. Tania Scolin-Tutelia, qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, tu sais, on le sait, parfois les temps sont durs, alors je parle d'économiser. Financièrement. Je sais pas pourquoi je sais de quoi tu parles. Donc, Tania is gonna être Tania. On va faire ça tout à l'heure. On a aussi la chronique des gadgets inutiles, tant qu'elle ne pas avoir d'argent. Ou peut-être qu'on va gratter les fonds de tiroir dans ta chronique pour réussir à se ramasser du cash. Pour ça, en deuxième heure. En troisième heure, comme toujours, on a une grosse pointe en dresse. On va goûter un produit du tiroir. Et cette semaine, c'est encore plus particulier que d'habitude. Normalement, on goûte, on mange, on boit, mais c'est quand même assez facile à faire. Aujourd'hui, on tartine. Ah ouais? On squirt même. You? On squirt. OK. C'est un indice. C'est en dernière heure. C'est surtout très dégueulasse. Ça va être spécial. On n'a jamais fait ça. Je suis pas sûr qu'on va reprendre l'expérience. On va essayer ça tantôt. Mais pour l'instant, on commence en musique parce qu'on a, l'idée, comme toujours, tout l'été, de combiner les palmarès Sifu avec Assemblage Rookie. Donc, on écoute une pièce du palmarès francophone, Tania. Oui, ça va être Laurence Exo avec une nouvelle pièce parce qu'on a beaucoup entendu Montréal Exo. Mais là, on va entendre Tinder Love. Ah, c'est pour nous, ça. Ben oui. Assemblage Rookie sur Sifu. La tête qui tourne, j'ai fait des cahiers. De ton visage, je casse l'écran. Les pixels dans les yeux, ça fait longtemps qu'on veut jouer au même jeu. We'll be right back. Love par Laurence Nerbonne, Assemblage Requis. On disait par la chanson que ça ressemble énormément à du La Bronze. C'est vrai. Très populaire en ce moment. C'est un bon style, donc tant mieux s'il y a là des, pas des copieuses, mais des chanteuses similaires à elle. Oui, ben oui. Des émules. C'est en, si elle en inspire quelques-uns. Exactement. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, comme je le disais. Et maintenant, Tania, c'est le moment de faire une chronique qu'on fait une fois par mois. Mm-hmm. Est-ce que tu te rappelles ce que ça veut dire, la chronique qu'on fait une fois par mois? Je pense que c'est son foutu palmarès. Et oui! C'est la chronique dans laquelle on a établi une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et à chaque fois qu'on fait cette chronique-là, ça donne qu'on tombe sur la liste des fêtes qu'on peut célébrer pendant le mois. Mm-hmm. Hein? On est rendu au mois de mai. On est rendu quoi en direct le 3 mai? Oui. Donc, on a un petit palmarès de 16 fêtes bizarres qu'on peut célébrer en mai. Et là, ce ne sera pas les fêtes que vous voyez passer à Salut, bonjour tout le temps. Là. C'est des fêtes un petit peu plus particulières. Hein? Pas la fête des mères. La fête des mères, on le sait déjà. Hein? Ah oui, c'est vrai. Par contre, on a une autre sorte de mère. Le 1er mai, c'était la fête de la mère poule. Ah, OK. Une journée pour apprécier les comptines pour enfants et puis des trucs comme ça. Donc, on célèbre la mère poule. Ah! Le 3 mai, aujourd'hui même, Tania, c'est la journée nationale de porter deux souliers couleurs différentes. Ah ben, trop tard. Je le savais pas. Avoir j'y su, étais hein? avec deux souliers noirs. Mais pas deux pieds gauches. Non, pas deux pieds gauches. Rond, moi, c'est ça, ça va pas bien dans ce temps. C'est pour célébrer la non-conformité. Le 4 mai, c'est la journée internationale du respect des poulets. Ah, fait qu'on mange pas de poulet, ça se peut-tu? Ou on les mange, mais on les remercie, je sais pas. Je sais pas, hein, on fait une prière avant. Ah ouais, donc oui, en effet, on pourrait ne pas s'en servir de ces poulets-là, mais sinon, on célèbre le poulet et on célèbre le fait qu'ils nous remplissent le bidon. Mm-hmm. Ensuite, le 6 mai, c'est la journée câliner votre chat. Ah, tu vas être content. Je vais être absolument content, je le fais à l'année longue, mais ici, on dit même si votre chat ne veut pas se faire câliner. Ben, c'est clair. Ouais. Le 7 mai, c'est la journée de Martin Z. Mollusque. Chaque année, à Ocean City, dans le New Jersey, Martin Z. Mollusque, qui est un crabe ermite, prévoit la météo de l'été à venir. C'est la même routine que la taupe, pas la taupe, la marmotte, le sang, castor, oui, marmotte. Oui, marmotte. Ben la marmotte. La marmotte. Donc, si le crabe voit son ombre, l'été va arriver une semaine plus tôt. Ah! Ouais. Ensuite, le 7 mai, toujours, c'est la journée nationale du Cosmopolitan. Oui, avec de l'alcool, il faut célébrer ça, absolument. Absolument. Le 8 mai, c'est la journée pas de bas. Ah ouais, je savais pas. Sûrement pour compenser pour la journée où tu as porté deux souliers différents. Probablement. Là, tu portes pas de bas et pas de souliers. Mais en fait, ça dit pas de souliers, ça dit juste pas de bas. Mm. Le 12 mai, c'est le jour des poèmes. Les petits poèmes cute. Ah ouais. Ouais, ouais. Le 13 mai, c'est la journée nationale de l'humus. Oh yeah! Tartinade à croustilles, à biscuits, peu importe, craquelette. Le pois chiche. Le pois chiche, absolument. Le 15 mai, c'est la journée nationale du slider. Est-ce que tu sais ce que c'est, un slider? C'est pas une entrée? Oui, c'est des petites entrées d'hamburger. Ouais, hein? Minuscule hamburger, super délicieux, avec du fromage, du bœuf, puis des fois, un petit cornichon. Un petit. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils mettent du ketchup à côté des sliders, non? Peut-être qu'il y avait des frites. Peut-être. Ou peut-être, ouais, des fois, tu peux mettre ton ketchup dans l'hamburger, ouais, dans vrai. Les petits sliders. Ensuite, le 20 mai, c'est la journée de Eliza Doolittle. Je crois que c'était une actrice, si je me rappelle bien. Je pense que oui. Eliza Doolittle, on va aller voir sur la page Wikipédia. Une chanteuse, auteure, compositrice et activiste anglaise née en 1988 à Londres. Voilà. Non, c'est absolument pas elle. On parle. Non, ça, c'est la. Il y a une nouvelle fille, apparemment, qui s'appelle Lisa et Zelda Dottor. Oh, c'est pas la même? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le personnage fictif dans Pygmalion de George Bernard Shaw et la version qui a été faite au théâtre en musical My Fair Lady. Je crois que c'est plus cette Eliza Doolittle-là qu'on célèbre que la chanteuse britannique des années 80. Possible. D'après moi. Ensuite, le 20 mai, ouais, c'est certainement ça. Le 20 mai, c'est la journée nationale du Pizza Party. Ah, là, c'est clair que ça va pogner. Ah, absolument, avec un Cosmopolitan. Ah, ben oui, mais c'est pas la même journée. Pas la même journée, mais ouais, j'avoue. C'est... Mais comme ta fête, tu l'aimes tout le mois. Ouais, c'est ça, exactement. Pas besoin de raison. Ensuite, le 22 mai, c'est la journée du voisin. Pourquoi? Ben parce que Mr. Rogers, à la télé pour enfants aux États-Unis, il y avait une émission qui s'appelait Mr. Rogers Neighborhood. Donc, les enfants aimaient beaucoup s'inviter dans le quartier de Mr. Rogers. Ça a débuté en 1967. C'est une fête qu'on célèbre dans le Rhode Island pour célébrer l'anniversaire de la première de l'émission. Toujours le 22 mai, c'est la journée nationale des gothiques. OK. Ouais, donc on sait qu'ils se foutent complètement d'avoir une journée sur le calendrier parce que les gothiques sont comme ça, ils s'en sacrent. Mais quand même, on les célèbre. Le 24 mai, c'est la journée internationale du tiara. Ça, c'est le diadème, la couronne qu'on porte sur la tête. Oui, quand on est une petite fille. Ou dans le cas de l'article, d'un petit chien avec une grosse face. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ah, c'est pour divertir le public. Le 25 mai, c'est la journée de la serviette. OK. Pour rendre hommage à Douglas Adams, qui a écrit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Les fans transportent une serviette avec eux toute la journée. La tradition fait référence à un passage dans le livre sur l'importance des serviettes, et je cite, « Une serviette, selon le guide intergalactique, est la chose la plus massivement utile qu'un voyageur interstellaire peut avoir sur lui. » Ah ben oui. Dans le livre, c'est ce qu'on dit, donc les fans transportent une serviette avec eux. Et là, on parle vraiment d'une serviette pour s'essuyer, non pas comme sur la couverture du livre, une serviette comme dans une valise pour transporter des documents. Ouais, hein? Faites attention! On est terminé pour les fêtes du mois de mai. Pourquoi ne pas continuer avec les festivals et les événements qu'on peut célébrer pendant le mois de mai autour du monde? Oui. Il commence à faire de plus en plus chaud à plusieurs endroits dans le monde, sauf dans l'autre hémisphère où ça va être l'hiver bientôt. Qu'on appelle le Québec, là? Oui, le Québec, il y a encore des bancs de neige, mais bon. Ouais. C'est parce qu'à l'université, ça ne l'entend pas de prendre une pelle et l'étendre sur la chair. Ils n'ont pas l'argent. Ou pour acheter une pelle. Ah, c'est ça, pour acheter une pelle. En tout cas, il devrait mettre des affaires au pawn shop à l'UQTR. Bref, il y a des événements à célébrer au niveau américain, au niveau canadien et ailleurs, j'imagine. Donc, commençons avec le Tennessee Renaissance Festival de Harrington, au Tennessee. C'est un festival annuel qui a lieu chaque fin de semaine au mois de mai. Donc, pendant le mois de mai, chaque fin de semaine, où il y a un village qui a été construit exprès à Covington Glen, qui nous ramène au 16e siècle en Angleterre. Donc, chaque fin de semaine, on voit des expositions, des spectacles, de la musique, des combats de chevaux. C'est des chevaux avec des épées, mais sauf qu'à la place, c'est des bâtons. Hein, tu sais, du joust, oui, je ne sais pas du nom en français. Il y a des événements spéciaux pour les enfants. Il y a aussi des fins de semaine thématiques, dont le week-end de l'invasion des pirates. Hein, évidemment, les pirates, 16e siècle en Angleterre. Tout le temps. Du 21 au 22 mai. Ensuite, le O. Henry Pun Off World Championship à Austin, Texas. Là, tu me dis pun off pun comme PUN, ouais. Comme un jeu de mots? Ouais. Absolument. 64 compétiteurs choisis par une loterie au hasard parmi ceux qui se sont inscrits au mois d'avril vont essayer de faire. On va essayer de se battre les uns les autres en termes de jeu de mots. Le 7 mai prochain, l'événement se passe à l'extérieur dans la cour arrière du O. Henry Museum de Austin. Donc, ça n'a rien à voir avec la barre de chocolat. OK. On peut apporter une chaise et une couverture pour passer la journée. Il y a aussi du divertissement musical avant que les jeux de mots commencent à midi. Et en plus de la compétition, il y a une vente de livres, un enchère. Une enchère ou une enchère? Il y a des enchères. Ouais, des enchères. Je ne sais plus rien. Et des rafraîchissements pour ramasser des fonds pour le musée. Ensuite, le Milwaukee Pug Fest, tu te rappelles, dans l'article juste avant, il y avait une photo d'un chien en tutu. Ça venait de là. Aha! Du Milwaukee Pug Fest à Franklin, dans le Wisconsin. Pug Hugs Inc. est une organisation qui s'occupe du bien-être des chiens Pugs en les accueillant, en leur donnant une nouvelle maison et puis en faisant la promotion de techniques d'accouplement plus éthique. Voilà pour ces chiens-là. Donc, leur festival annuel, le Pug Fest, se passe le dimanche 15 mai au Milwaukee County Indoor Sports Complex, un complexe sportif. Les chiens sont accueillis pour participer à des concours de talent, à des courses, à des concours de costumes, oui. Il y a aussi des enchères, du divertissement, et on va même bénir les chiens et leurs propriétaires. Oui. Mais ce sont seulement des Pugs. Seulement des Pugs. Si tu peux pas y aller, exemple, si t'es un chihuahua. Jamais. Ah, ça mérite pas d'être béni, un chihuahua. Ah, OK. Pas selon Franklin dans Louis Contra. Discrimination. c'est du racisme, littéralement. C'est du racisme de chien. Oui, c'est ça. Le Little Norway Festival de Petersburg en Alaska maintenant. La ville de Petersburg en Alaska a fait son premier Little Norway Festival en 1958. Le festival a lieu par la troisième fin de semaine du mois pour coïncider avec la signature le 17 mai de la Constitution de la Norvège en 1814. Cette année, les festivités ont lieu du 19 au 22 mai. Les résidents se déguisent en vikings et d'autres trucs comme ça. Mais de façon un petit peu plus contemporaine, avec des robes un petit peu colorées comme en Norvège. Bref, ils essaient de suivre la mode tout en étant des vikings. C'est comme des vikings, mais contemporains, si on veut. Parmi les événements de la danse, du bricolage, des cours dans l'art norvégien du Rosemaling, une parade et du divertissement traditionnel du coin. La nourriture, parmi les recettes de la Norvège, il y a du... il y a des recettes de la Norvège, il y a des recettes de l'Alaska, donc pas leur équivalent d'Amérindiens, les aborigènes natifs d'Alaska, et des fruits de mer, voilà. Ensuite, le festival des serpents à Cocculo en Italie. Tu t'attendrais pas à un festival de serpents en Italie? Non, en effet. Donc, puis ouais. Moi aussi, je vais scroller c'est pas. C'est genre, ouais, c'est ouais. Une des pires phobies que je peux avoir, je pense, les serpents. La dame l'a d'en face. Fait que c'est sûr, j'irai pas. Oh, juste, aïe, aïe. Oh. Juste voir la photo, ça. La dame ressemble au père fourré avec un serpent d'en face. Bref, le festin de San Domenico, dans la ville italienne de Cocculo, connu sous le nom du Festival des Serpents, Festa dei Serpari. Cocculo, c'est une petite ville avec une population de moins de 300 personnes, mais des milliers se présentent pour voir tout ce qui se passe au début du mois de mai à San Domenico. Comme ils le font depuis des milliers d'années, les villageois peuvent transporter la statue de San Domenico, couverte de serpents, de l'église. Donc, ils la prennent, la statue de l'église, et la font passer un petit peu partout en ville, lui faire visiter à la place. Donc, San Domenico était un moine bénédictin. J'ai aucune idée comment on dit en français, je connais pas la région. Donc, c'était un moine qui vivait au 10e et 11e siècle, et on disait qu'il était capable de guérir les morsures de serpents et la rage. Voilà. Donc, à chaque année, les villageois vont capturer des serpents non venimeux, et puis on va les mettre sur la statue. Et d'autres serpents sont transportés par d'autres gens. Et il y a aussi du pain traditionnel qui est fait pour ressembler à un serpent qui mangerait sa propre queue. Donc, j'imagine un bagel. Non, c'est ça. Un serpent qui mange sa queue. Donc, les serpents sont relâchés après le rituel. Et le Snake Festival arrive le premier jeudi du mois de mai. Et cette année, ça va être le 5 mai. Donc, il y a une petite vidéo de tout ça sur assemblagerequis.com via YouTube. Ensuite, c'est le Scorch Nuts Festival de Rutland en Ohio. Scorch Nuts, c'est un peu comme le Burning Man, un genre de festival artistique qui se passe du 26 au 30 mai. Ça se passe dans une ancienne mine. Tout ce qu'il y a là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de popcorn là. Il y a des toilettes portatives, des toilettes portables, c'est pas mal tout ce qu'il y a. Et les participants, on s'attend à ce qu'ils contribuent à la foire et qu'ils ramassent leurs déchets après. Les billets sont limités aux 500 premières personnes. On doit arriver avant 16h le 26 mai. Et on ne peut pas partir. On n'a pas le droit de partir de la mine avant le 29 ou le 30 mai, à moins d'avoir des arrangements spéciaux, sûrement pour un rendez-vous chez le médecin ou peu importe. Et comme Burning Man, le climax de l'événement, ça va être une effigie artistique qui va être brûlée le samedi soir. Burning Man, tu sais qu'on fait brûler un gros truc. Ça se voit de super loin. Donc, c'est Scorch Nuts Festival en Ohio. Ensuite, c'est le Cats Fest à San Antonio, au Texas. Oui, le festival des chats, sauf que ça n'a rien à voir avec les chats, sauf pour le logo. Donc, okay. C'est bizarre. Ah, c'est bien. En fait, c'est le CATS Festival, c'est un acronyme. Ah, voilà. C'est un rassemblement pour les amoureux des cigares, c'est un acronyme pour le Cigar Aficionado Trades and Sales. Cette année, le festival va avoir lieu du 27 au 29 mai, avec un dîner et un party le vendredi soir. Le Cigars for Warriors Pro Rodeo. Donc ça, c'est un rodéo. Et le Beard and Mustache Competition, compétition de longueur de barbe et de beauté de moustache, de tout ça. Et une danse. Le dimanche, l'événement principal, c'est Operation Cigars for Warriors Music Festival, un festival de musique. On peut trouver l'horaire sur assemblagerequis.com. Et c'est fait pour ramasser de l'argent pour une charité qui s'appelle Operation Cigars for Warriors. Donc, le logo de Cats va être présenté pendant le festival. C'est un cadre avec un chat pirate avec un cigare dans la gueule. Ah! Superbe. Rien de plus cute. Tellement mignon. Ensuite, c'est le Nagol, N-A-G-H-O-L, qui est à Pentecost Island, au Vanuatu. Donc, les gens de partout dans le monde vont voyager jusqu'au Vanuatu, dans le Pacifique Sud, pour être témoins du rituel de Nagol, ou le land diving, pendant les mois d'avril et de mai. Les hommes de cette île-là vont sauter de 20 à 30 mètres de hauteur sur des tours en bois, avec une vigne attachée à leur cheville. OK. Ouais. Donc, on dit que c'est l'inspiration pour le saut en bungee. C'est pas toujours sécuritaire, nous dit-on. Les blessures sont communes, mais on dit qu'il y a eu peu de morts. Ah, juste peu de monde. On est correct. L'idée du land diving, c'est de bénir la terre pour la moisson, etc., etc., autres raisons religieuses. C'est aussi un rituel pour devenir un homme. Ah, OK. Pour montrer la bravoure des jeunes garçons. À moi qui meurs, évidemment. Oui, mais c'est ça, hein? Quelle bravoure, ma foi. Donc, ils ont un trail un petit peu d'adrénaline là-dedans. Il y a des touristes qui participent. Les visiteurs de l'île sont limités sur le nombre d'accommodations. Donc, il y a, j'imagine, de sauts. Le nombre de sauts est limité. Les sauts ont lieu chaque samedi en avril et en mai. Les vignes sont exactement de la bonne longueur. Donc, apparemment, tu peux pas. Tu sais, c'est pas des vignes très, très. Sont pas beaucoup plus courtes que le saut que ça va faire. Mm-hmm. Donc, c'est très, très proche de toucher au sol. On performe aussi des petites pièces d'art dramatique et des chansons avant les sauts. Et la journée se termine toujours avec un festin. Vous pouvez voir, là aussi, il y a des vidéos sur assemblagerequis.com. Ensuite, le Sci-Fi Fest à Los Angeles, en Californie. Le nom complet, c'est le Sci-Fest LA. Le Los Angeles Science Fiction One Act Festival. Donc, un festival de courtes pièces en un acte de science-fiction de Los Angeles. Ça se passe du 5 au 29 mai au Acme Theater. On dirait un faux théâtre comme dans les Roadrunners, le Acme Theater. 10 pièces sont prévues. Et cette année, il y a un nouveau programme qui va incorporer des pièces de science-fiction et des émissions de télé en développement. Donc, ça ressemble un petit peu à un Comic-Con, presque. Des prix vont être remis aussi pour les meilleurs écrivains de science-fiction. Ensuite, le 10 mai, évidemment, on n'a pas le choix, c'est la chose à célébrer au mois de mai, c'est le Cinco de Mayo à Puebla, au Mexique. Cinco de Mayo qui est observé aussi aux États-Unis, c'est une fête généraliste qui célèbre la culture mexicaine. Et c'est là que tout le monde sort son raciste intérieur en mettant un sombrero puis en buvant de l'alcool, comme si c'était ce que les Mexicains faisaient tout le temps. C'est un peu déplacé par moment. C'est généralisé, voilà. Ouais, c'est généralisé, mais c'est aussi cliché. Et c'est aussi, dans ce cas-là, pas mal un petit peu raciste. C'est comme porter un chapeau chinois puis manger du riz. Je pense pas que ça soit raciste, là. C'est pas voulu raciste. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme se peinturer à face noire. C'est pas raciste en tant que tel, mais ça l'est considéré comme raciste. Bon. On pourra en débattre longtemps. Ouais. Ouais, parce que là... Ouais. C'est comme réduire une race à une seule chose. C'est comme dire que les filles conduisent mal. Hein? Oh! Ah, là, je t'ai eu, hein? Ben, c'est pas du racisme. C'est du sexisme. Oui. On provoque des débats aujourd'hui. Oh, on se croirait à gagner en liberté. Oh, my God! Donc, mais je crois pas que ça soit du racisme. Non, je sais. Ben, j'ambitionne un petit peu le propos. C'est de généraliser, c'est ouais. De dire qu'ils sont toujours comme ça. C'est de dire que nous, on se promène toujours avec nos plumes en tête. Mais je pense que si tu lis la définition du mot raciste, ce que tu viens de dire là est pas mal la définition. Ah, OK, ouais, c'est bon. On a chacun nos. Ouais, c'est ça. C'est que le mot racisme est quand même assez gros, là. Ça, je suis d'accord, qui est utilisé à tort et à travers. Et voilà. Ça, et sexisme et homophobie et tout ça. Mais enfin. Bref, on parlait de Cinco de Mayo, qui est supposé être un party. Donc, ça se passe le 5 mai. C'est une fête locale pour commémorer la bataille de Puebla en 1862, où l'armée mexicaine a fait tomber les forces françaises sous Napoléon III, proche de la ville de Puebla. Donc, Puebla, c'est là que la célébration a lieu. Finalement, les festivités commencent le 5 mai avec une parade où ils vont faire une reconstitution de la bataille, une performance symphonique. Ils vont continuer tout ça jusqu'au 24 mai. Les participants ont aussi droit à un festival de films, à des performances de ballet, de la photo et de l'art, donc des expositions, de la musique, de la danse et de la nourriture. Il y a aussi une grande reconstitution de la bataille de Puebla à Mexico City, environ à 100 km à l'ouest de Puebla, au Peñón de Los Baños, le 5 mai. Il y a encore une fois une vidéo sur assemblagerequis.com. Mm-hmm. Le Festival des Vikings, maintenant, à Poulsbo, à Washington, dans l'État, pas l'État de Washington, mais le district de, en tout cas, D.C., Washington, D.C. Les Vikings et les wannabe Vikings sont invités au festival annuel Viking Fest les 20 et 22 mai pour célébrer les fondateurs scandinaves de Poulsbo et Kitsap County. Donc, parade, musique, course à pied, une compétition d'hommes forts, une compétition pour manger des beignes. Tu sais, il faut que ça se complète. Mais oui, les voilà. Hommes forts veulent manger des beignes. Des courses de bateau debout. OK. Et une compétition de messages dans une bouteille. Ça m'intrigue énormément. On sait pas comment on fait pour gagner, c'est même pas écrit. Mais ça m'intrigue. C'est triste un peu. Compétition de messages dans une bouteille. Eh bien. C'est le message qui se rend plus vite. C'est peut-être ça. J'ai vu une excellente bande dessinée. Il faut être là, les bandes dessinées, c'est difficile à raconter à la radio. Mais l'idée, c'est que le gars trouve une bouteille sur une île déserte. Genre, il ouvre la bouteille, c'est marqué genre « désinscrire », comme si c'était du spam. Genre, le gars, il voulait se désinscrire à son aux bouteilles. C'est très drôle. C'est drôle. Être là. 12. Le pèlerinage des Gitans à Sainte-Marie-de-la-Mer en France. OK. C'est français, du coup, français. Ben oui. Donc, le pèlerinage des Gitans, Sainte-Marie-de-la-Mer en France, ça se passe du 24 au 25 mai. C'est une célébration de Saint-Sarah ou Sarah the Black. Sarah la Noire, j'imagine, ça doit être une femme, Sarah. Ça doit. Donc, elle est la patronne sainte du peuple de Rome. Hein? Cette Sarah s'appelle aussi Sarah Kali. Une collection entre la déesse, oui, la déesse hindoue Kali et la sainte elle-même. Le Roma, qui est d'origine d'Inde. Je comprends rien à celui-là. Je m'en excuse. Je pensais, vu qu'il était en français, je me disais qu'il n'y avait même pas besoin de le lire à l'avance. Ça devait être simple ou pas. Les gitans partout en Europe se rassemblent en mai dans la ville de Sainte-Marie-de-la-Mer sur le delta de la rivière Rhône. C'est ça. Il y a une vidéo de tout ça sur assemblagerequis.com aussi. Et on termine avec le festival de la roulade du fromage Cheese Rolling, Cooper's Hill Cheese Rolling à Brockworth, à Gloucestershire, au Royaume-Uni. Donc c'est un célèbre festival, célèbre partout dans le monde, qui a lieu à Cooper's Hill, à Gloucester, le dernier lundi du mois de mai. C'est donc c'est une fête, c'est la Spring Bank Holiday au Royaume-Uni, donc une journée fériée. Ça va se passer le 30 mai cette année. La compétition, c'est de faire rouler des roues de fromage dans une montagne, et ensuite les gens essaient de l'attraper en se jetant en bas de la montagne, mon Dieu, sur la côte. Une côte très, très à pic. Il y a beaucoup de blessures. Ça doit. Pas beaucoup de morts. Pas beaucoup de morts, exactement. Et aucun fromage n'a été maltraité pendant cette compétition. Donc, il y a habituellement 4 courses et des milliers de spectateurs. Cooper's Hill Cheese Rolling est organisé par les fans et des bénévoles sans commanditaire. Donc, c'est pas du fromage Babybel géant là, ou une autre commandite. Et les participants se font avertir à l'avance que c'est dangereux. Par contre, il n'y a jamais de manque de gens qui veulent participer à ça. Il y a toujours des volontaires pour ce festival du fromage qui roule, dans pas mousse. Voilà pour ce palmarès des 13 festivals et événements pendant le mois de mai. Et comme on était dans le coin des choses assez brèves en mai, je pense qu'on va y aller rapidement sur celui-là parce qu'il y a des gens qu'on connaît moins, puis ça pourrait être plate sinon. Mais c'est les fêtes à célébrer au mois de mai. Des fêtes célèbres, des figures historiques. Donc le 3 mai, c'est Bing Crosby, le chanteur légendaire responsable pour le tuxedo canadien, nous dit-on. Oui. Selon Levi's Vintage Clothing, Crosby s'est fait refuser par un hôtel canadien en 1951 parce que son groupe était habillé de jeans. Donc, l'équipe de l'hôtel a changé d'idée lorsqu'ils ont réalisé que Crosby était une célébrité. Mais la nouvelle s'est propagée. Les designers de chez Levi's Strauss & Company ont fini par faire un tuxedo, un jacket de tuxedo en jeans pour s'assurer que tout le monde soit bien habillé, même en jeans. Bon, c'est bien ça. Pas pire. 4 mai 1929, c'est la naissance d'Audrey Hepburn. C'est une des seules qui fait partie du groupe des EGOT. OK, c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a gagné un Emmy. Mm-hmm. Un Grammy, un Oscar et un Tony. Oh là là! Tu sais qu'Amy, c'est pour la télé, Grammy pour la musique, Oscar pour les films et Tony pour le théâtre. Mm-hmm. Pour le Grammy, le Emmy et le titre de EGOT, ça s'est suivi après sa mort, c'était posthume, après sa mort en 93. Le 5 mai 1864, Nellie Bly, une journaliste pionnière du vrai nom Elizabeth Jane Cochrane, qui a voyagé pendant 72 jours partout dans le monde. Elle a inspiré d'ailleurs le personnage Phileas Fogg dans Around the World in 80 Days, pardon. Le personnage de Jules Verne. Elle a fait le voyage autour du monde et elle a fait semblant d'être folle pour se fermer dans une institution pour personnes avec capacité mentale affaiblie du journalisme d'enquête. Un peu comme les journalistes du Journal de Montréal se déguisent en noir pour vivre le racisme. C'est vrai? J'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Bon. Hey, non, mais c'est pas si pire. On dirait Xavier Dolan. Oui. Tu trouves? Oui. Non? C'est chiant pour Xavier Dolan. Ben, mettons que c'est des cheveux un petit peu pêle-mêle, coupés avec un toupette en demi-lune. Non, mais on dirait que c'est même pas son toupette. On dirait qu'elle s'est ramenée une couette en arrière puis elle se l'est aplatie. Ah oui, une pince sur le dessus. Puis on dirait que c'est comme raser ses côtés. C'est vraiment spécial. C'est très spécial. Mais les blagues, la mode va revenir, c'est sûr. Non, faudrait pas. 1864, la prochaine décennie, hot. C'est ça. Ensuite, le 6 mai 1915, la naissance de Orson Welles, acteur, écrivain, réalisateur, qui a déjà dit à Dick Cavett, les chefs du monde. Non, ça, c'est une citation plate sur Hitler, là, je laisse faire ça. 9 mai 1860, J.M. Barrie, l'auteur qui a laissé les droits de Peter Pan au Great Ormond Street Hospital pour que Disney doive demander des droits pour faire leur célèbre film. L'hôpital n'a pas reçu assez d'argent de la vente de marchandises parce que c'était pas inclus dans le contrat d'origine, mais Disney, depuis ce temps-là, a compensé l'hôpital en les aidant à ramasser plus de 14,5 millions pour l'hôpital. Donc, c'est l'auteur de Peter Pan. Le 11 mai 1904, Salvador Dali. Parlant de Disney, donc un des artistes surréalistes les plus célèbres du monde, a déjà été employé par Disney en 1945, mais c'était une courte collaboration. Le projet était un film qui s'appelait Destino. Ça s'est terminé après seulement 3 mois de production. 54 ans plus tard, le neveu de Walt Disney, Roy, a ramené le projet à la vie. Une équipe d'animateurs français ont été recrutés pour produire un court-métrage basé sur les notes et les histoires donc de Dali. Sur la photo, les deux personnes, parce qu'il y a deux personnes sur la photo, il y a Salvador Dali et quelqu'un d'autre. Je crois que c'est le Roy Disney, j'imagine. Ils font quand même peur, hein? Les deux ont les yeux très, très sortis. Très globuleux, là, ouais. Comme s'ils t'accusaient de quelque chose. Ils sont très, très... leurs cheveux ont beaucoup de gel. Oui, mais hey, la coupe de Salvador Dali en 1904, là, c'est comme la coupe de tous les gars présentement. C'est vrai, c'est vrai. C'est le gars de gauche, hein? Oui, exactement. Cool. Avec la petite moustache. Allez voir sur assemblagerequis.com pour savoir de quoi on parle. Le 12 mai 1820, Florence Nightingale, donc est considérée comme la fondatrice de l'infirmerie moderne. Donc elle était, elle encourageait beaucoup la santé du public, de la communauté. Elle parlait français, allemand et italien. Elle était aussi amatrice. Elle aimait beaucoup les chats. Hein? Elle a eu 60 chats pendant sa vie et on dit que c'est encore vu aujourd'hui, son amour pour les chats. Certains de ses animaux ont laissé des traces de pattes sur ses lettres. Oh. 19 mai 1930, Lauren Hansberry, celle qui écrit Raisin in the Sun, qui était très proche, donc elle, de la chanteuse Nina Simone. Quand Hansberry est morte, Simone a écrit « To be young, gifted and black », donc « être jeune, avoir un don et être noir ». Donc, c'était après la pièce du même nom de Hansberry pour rendre hommage à son ami. Le 26 mai 1920, Peggy Lee. Bonnie Erickson, la créatrice derrière Miss Piggy. À l'origine, elle l'avait appelée Miss Piggy Lee en hommage à Peggy Lee, la chanteuse préférée de sa mère. Mm. Donc, le nom a été raccourci alors que le personnage se rend en onde parce que Erickson pensait que Lee pensait que c'était une insulte. Oh mon Dieu, il y a tellement de Lee dans ça. Tellement de Lee. Ben c'est que, dans le fond, la dame, qui a Peggy créé Lee, Miss Piggy. Ça, c'est Bonnie Erickson. Oui, elle a appelé son personnage Piggy Lee en hommage à Peggy Lee. Mm-hmm. Mais là, elle se disait que si le personnage est un cochon, ça fait comme dire que Peggy Lee, c'est une cochonne. Exactement. Ils l'ont changé pour Miss Piggy. C'est correct. Le 26 mai 1951, c'est Sally Ride, l'astronaute, la première femme américaine dans l'espace en 1983. Elle n'est pas née en 1983, non, en 1951, mais quand même. C'était aussi la plus jeune américaine, homme ou femme confondu, la plus jeune américaine à aller dans l'espace. Ouh. Et elle a réussi à rester bien droite devant les questions complètement gênantes, absurdes et même sexistes des médias. J'en doute pas. Ouais, en juin 1983, pour un profil pour le magazine People, le journaliste Michael Ryan a raconté quelques-unes des pires choses qu'elle a vécues. Par exemple, est-ce que le vol va affecter tes organes reproducteurs? Une question que tu ne demanderais jamais à un homme. Ben non. Une autre question que tu ne demanderais jamais à un homme. Est-ce que tu pleures quand quelque chose va pas bien dans l'espace? Et donc... ah, ben oui, c'est ça. Évidemment, Sally Ride qui a répondu. Comment ça fait que personne ne demande jamais ça à mes collègues astronautes masculins? Ben, ça s'appelle ça, vraiment, la définition du sexisme. Sexisme. Finalement, le 29 mai 1903, Bob Hope, l'humoriste, acteur, personnalité publique, était mourante en 2003. Sa femme Dolores a demandé où il aimerait être enterré. Sa réponse, surprends-moi. Oh mon Dieu, ben oui, hein, écoute. Voilà, Bob Hope qui est né. Donc, il y a, en fait, pas il y a, mais un certain jour du mois de mai. Ouais. Surprends-moi. Génial. C'est tout pour son foutu palmarès. On a fait des choses pas mal dans cette chronique-là. Ça fait presque une demi-heure qu'on jase. Donc, retournons en musique. Deuxième pièce que tu as choisie aujourd'hui, Tania Baudin. Ben oui, c'est une pièce qu'on a beaucoup aimée, qu'on a fait beaucoup jouer pendant la session d'automne. C'était oui. L'automne, oui, exactement. C'est c'est Hey Blue de Etou Brousse. Assemblage requis sur C'est fou! Back to back with the downtown winds, the king is in his story can begin. Late at night, on the street, I know you will not be missing me. At stuck here missing you. I'm tearing up my list for you. Something about this picture is not right. Et tout broussé, la pièce est bleue. Au retour, c'est Agnès Gonna Entertain You. On va ramasser du cash, cash, cash. Man. On va essayer. En tout cas, on va voir. Aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 2 mai 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, et comme on l'a dit, ben, c'est le moment de se faire divertir par Tania Baudin qui va faire des culbutes partout sur la table. pas trop. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do the ta-da-ta-ta. Ching-ching-ching, ching-ching-ching. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. And she's gonna do the... C'est Tania Baudin. Hey, bonjour. Hey. La, la, la, la, la. Ouais, la vie est difficile. Ouais, quand même. Ouais. Quand même. C'est pour ça qu'on va essayer de l'améliorer un peu. On va essayer. Ouais. Écoute, je ne dis pas que je vais réussir à faire de vous des gens riches. Très loin de là, parce que sinon, je le serais. C'est ça. Ça va être des faits ce que je dis, pas ce que je fais. Exact. C'est ça. En tout cas... Non, ça va être des faites comme je vais faire. OK, faites comme on va devoir faire parce qu'on n'a pas mal le choix. C'est ça, exactement. C'est ça, parce que dans la vie, parfois, il arrive des situations qui font que... il faut que tu serres la ceinture un petit peu. Un petit peu beaucoup. Slash, pour pouvoir te permettre de ceinture, donc tenir des pantalons. T'sais. C'est ça. Puis peux en acheter. Voilà. Des boxers, boxer briefs. C'est ça. Oui, quand même, il faut s'acheter des boxers. Ça coûte moins cher de lavage de... aussi. Ça coûte moins cher d'électricité. Tu vois, c'est ça. On économise partout. On économise partout. J'écoutais aujourd'hui une vidéo sur YouTube où justement la fille expliquait comment pouvoir arriver à économiser de façon intelligente, mais elle parlait surtout, je dirais, aux filles qui sont comme accros au magasinage. Ouais, linge, soulier, sacoche. Ouais, c'est ça, exactement. Mais par contre, il y a certains de ces trucs qui se transforment un petit peu dans la vie de tous les jours, qui peuvent très bien se coller à la peau de n'importe qui, et je trouvais ça quand même très intéressant à regarder, et j'ai fait, bien sûr, quelques recherches sur les internets, sur Internet, pour arriver à savoir comment bien économiser. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait de mal? Parce qu'à un moment donné, quand on voit qu'on est tout le temps pas mal dans le rouge, on se pose la question, ben voyons, est-ce que je fais quelque chose de mal ou je suis juste comme vraiment dans un moment pas super bon, exemple au travail ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il arrive quelque chose qui fait en sorte que j'ai de la difficulté de façon monétaire? Donc, de ce côté-là, j'ai fait des recherches et je me suis aussi posé la question par rapport aux conseillers financiers. Donc, de ce côté-là, je vais aussi vous donner quelques trucs parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, est-ce que là, je devrais arriver à aller voir un conseiller financier pour que cette personne-là arrive à me donner un budget pour que je puisse justement arriver à le gérer de façon logique moi-même. Ouais. Bien faites souvent. Attention, faut pas tout le temps faire confiance nécessairement aux gens parce que moi, mon expérience, le conseillère financière, en tout cas, ça te rend encore plus serré dans tes affaires des fois. Oui, ben ça oui. Ça te met des règles, fait que t'as plus aucun plaisir à vivre. Ben, en théorie, ces règles-là, tout dépendamment de la conseillère ou du conseiller financier, on s'entend, ces règles-là sont là pour vous aider au maximum de ce que vous vous demandez comme... Ouais, c'est ça. Comme but, en fait, comme résultat. Donc, de ce côté-là, la conseillère ou le conseiller financier va vraiment y aller selon vos demandes à vous, ou du moins, c'est ce qu'il devrait faire. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Le premier des points que je voulais vous parler, en fait, si vous voulez économiser, c'est vraiment pas de simplement... C'est un peu comme pour les résolutions de début d'année. On se dit souvent « Ah, je veux perdre du poids ». C'est de pas y aller de façon générale. C'est de pas dire « Ah, il faut que j'économise. » C'est « Je veux économiser tel montant, je veux perdre tel nombre de livres. » C'est avoir un but au bout de notre économie. Donc, si vous, exemple, vous voyez que vous avez de la difficulté, sauf que vous voulez absolument l'année prochaine partir en voyage, bien, votre but va être d'économiser pour ce voyage-là. Ouais. Vous allez avoir une raison de mettre des sous de côté et c'est un petit peu ce qui fait en sorte que les personnes ont de la difficulté à économiser de nos jours. C'est que les voyages, les déplacements, puis tout ça, on prend en considération que ça devrait être quelque chose qui arrive automatiquement, que c'est quelque chose que l'on peut se permettre n'importe quand. Et c'est pas vraiment le cas. Si vous reculez, pour la plupart, quand vous étiez plus jeune, ben il y en a pour beaucoup que leurs parents voyageaient pas aux 3 mois. Mais maintenant, c'est ça la nouvelle mode. Tout le monde voyage, tout le monde fait quelque chose, tout le monde sort, tout le monde achète des choses. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être un petit peu plus difficile en plus pour la génération d'aujourd'hui. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? C'est de même que ça marche. Alors, allez-y avec des buts vraiment très précis. Pourquoi est-ce que vous voulez économiser? Vous voulez une nouvelle voiture? Là, vous allez mettre votre argent de côté pour la nouvelle voiture. Puis rien qui vous empêche de vous faire une petite affiche sur votre frigidaire ou peu importe avec une photo de ce que vous voulez puis marquer à côté où vous êtes rendu comme prix. Exactement. Ouais. C'est un très bon point. Sérieux, c'est un très bon point. Il n'y a pas personne qui peut s'empêcher de se donner des petits conseils. Des encouragements. C'est ça, des encouragements de ce côté-là pour pouvoir mettre de l'argent dans ses poches. À qui est-ce que ça va revenir? Ça va revenir à vous. C'est vous qui allez être gagnant là-dedans. Puis si vous êtes avec Desjardins ou n'importe quelle autre banque, j'imagine qu'ils ont toute l'option, mais avec Up Épargne chez Desjardins, tu peux dire, bon, je veux que sur chaque paye ou chaque semaine, ça m'enlève, mettons, 10$. Puis là, ça vous demande pourquoi. Ben, là, vous marquez un voyage, ben ça va l'écrire dans votre compte. Vous allez tout le temps voir voyage, je suis rendu à tel montant. Exactement. Ça, c'est vraiment pratique aussi. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça sur nos sites d'institutions bancaires, mais écoute, déjà en partant, ça peut gérer votre budget. Oui. Votre institution bancaire, lorsque vous allez sur le site Internet de votre institution bancaire, en temps normal, vous pouvez noter tous les achats que vous avez faits, toutes les transactions. Ça se fait tout seul, même des fois. Ça se fait tout seul. Et ici, comme tu le dis, vous pouvez rentrer ce genre d'informations-là du pourquoi est-ce que vous voulez économiser. C'est encore mieux parce que peut-être que vous allez pouvoir avoir des rappels dans votre compte du pourquoi est-ce que là, il vous manque 10$. Ou pourquoi est-ce que à chaque paye, exemple, je mets un 120$ de côté? Ah oui, c'est vrai, c'est pour ma retraite. Ça devient un réflexe. Tu sais qu'à chaque jeudi, tu vas avoir, mettons, 120$ qui va être enlevé de ta paye automatiquement. Ça se fait tout seul. Fait que t'as pas à penser à aller mettre de l'argent. Parce que quand c'est toi qui dois penser à aller mettre de l'argent, souvent, tu fais comme, ah, il me semble, là, je suis en manque d'argent, je vais aller enlever 100$ dans mon économie. Exactement. Ah, je vais l'enlever. Pas le fun. C'est vrai, non, c'est vraiment pas le fun. Puis de ce côté-là aussi, ce qui arrive, c'est que bien souvent, quand ça se fait automatiquement, on va pas nécessairement y penser. Je parle pour ma cause, là. Je vais prêcher pour ma paroisse. Je suis pas la fille qui va aller voir ses transactions le plus souvent sur son compte bancaire parce que je sais que bien souvent, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, de ce côté-là, apprenez à y aller de plus couramment, que ce soit 2 fois par semaine. Simplement vérifiez premièrement, est-ce que votre compte est en règle? Est-ce que vous n'avez pas fait une transaction qui peut avoir cloné votre carte? On ne le sait jamais. C'est des choses qui arrivent fréquemment ces temps-ci. Donc, de ce côté-là, gardez un œil sur votre compte en banque. Ça va vous aider justement à voir les chiffres que vous devez économiser vous-même pour arriver à vos buts. Ouais. Un autre conseil que la jeune fille donnait, c'était de dire aux gens autour de nous qu'on essaie d'économiser. Parce que bien souvent, si on va magasiner ou si on va à un endroit, on va être accompagné. Sérieusement, c'est rare qu'on va sortir et qu'on va être seul. Ça dépend des gens. Ça arrive à certaines personnes, mais bien souvent, ces gens autour de nous, là, que ce soit la famille ou nos amis, vont nous encourager à dire « Hey, t'as-tu vraiment besoin de ça? Attends, t'avais pas dit t'économiser la semaine passée? » Là, bien souvent, ce qui va arriver, c'est « Ouais, mais c'est correct, j'en ai besoin. » Là, tu te sens mal, tu finis parfois de l'acheter. Exactement. Ouais. C'est tout le temps comme ça. C'est la réflexion aussi de se poser la question pendant que vous êtes en train de magasiner, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mm-hmm. Est-ce que j'en ai pas déjà chez moi? Si je dis, exemple, que j'ai besoin d'un chandail noir, est-ce que j'ai pas déjà un chandail noir chez moi qui ressemble exactement à la même chose, qui m'a coûté peut-être 3 fois ce prix-là, mais qui est encore dans mon garde-robe? Ouais. Tu sais, c'est de voir la qualité aussi pour le prix que l'on paye. Il y a beaucoup de gens qui vont préférer payer moins, mais plus souvent. C'est une économie d'argent qui est différente. Donc, de ce côté-là, c'est de dire vraiment aux gens qui nous entourent pour qu'ils puissent nous aider, eux aussi, à leur tour. Et si eux font la même chose, ben tant mieux. Hein? C'est de l'entraide. Puis pour enchérir sur ce que tu dis, j'ai tout le temps quelque chose de plus à amener. Mais soit de ne pas amener de l'argent en tant que tel avec vous. C'est peut-être vrai? Avoir une carte prépayée qu'il faut absolument mettre physiquement de l'argent dans la carte prépayée. Comme ça te fait voir le montant que tu payes. Puis sur Internet, enlevez vos numéros de carte de crédit qui se remplissent tout seul. Comme ça, vous allez devoir prendre votre carte de crédit puis l'écrire à la main. Ah, c'est le même principe. Dieu, ça fait hein? que tu t'empêches de dépenser parce qu'il faut que tu réalises un peu comme un ami le ferait, mais quand vous êtes seul puis que vous n'avez pas d'amis. Exactement. Parce que on le sait, c'est courant en plus d'acheter en ligne. Ouais. Donc, de ce côté-là, non seulement c'est votre carte de crédit qui va monter, votre banque, votre compte en banque va baisser. Puis, comme tu le dis, de devoir écrire le numéro de carte de crédit au complet sans faire automatiquement payer, bien, ça fait en sorte qu'on a le temps de penser, attends... C'est psychologique, c'est ça? Je vois le prix. Ouais. Donc, puis, vous avez le temps de réfléchir. Pensez-y, les cartes prépayées, c'est comme une carte cadeau, mais qui est remplissable. Pensez-y pour ceux qui ont de la misère avec leur argent. C'est vrai. Il faut aussi organiser ce qu'on a chez nous. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, un des points que la jeune fille disait dans son vidéo, c'est de vraiment organiser, de faire un petit peu de ménage dans ce qu'on a. Que ce soit dans notre garde-robe, que ce soit dans notre garde-manger, dans notre frigidaire, dans notre salle de bain, les produits qu'on a. À ce moment-là, lorsqu'on va avoir vraiment pris conscience de tout ce qu'on a, on va savoir de quoi on a vraiment besoin. Si on est du type à acheter, je sais pas moi, 3 bouteilles de shampoing par mois, mais qu'on n'en finit jamais une au complet. Wow! 3 bouteilles de shampoing par mois! Ouais, mais on a plus, les femmes ont plus de cheveux que toi, là. Mais si on les finit jamais, ça nous arrive peut-être à dire, mais OK, est-ce que c'est parce que j'organise mal mes choses? Est-ce que c'est parce que je vois pas la bouteille tout le temps? Tu vois pas nécessairement l'intérieur de la bouteille. Exactement. Tu as tant une de spare, puis attends qu'à l'autre soit vraiment, vraiment terminée avant de l'acheter. C'est ça. C'est ce qu'on devrait faire en temps normal. Il y a aussi les coupons ou sur Internet, les codes. Oui, les deals. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très bon. C'est d'essayer de chercher ça. Dans le temps, là, ils appelaient ça du couponing là, parce que nos parents, ils passaient leur temps. Ils appelaient tout ça même? Ben, peut-être, mais là, c'est vraiment sur Internet parce que l'achat en ligne, comme je le disais tout à l'heure, est de plus en plus populaire et vous allez voir aussi de plus en plus d'offres avec codes. Et ces codes-là, bien souvent, ils vont vous faire économiser beaucoup d'argent. Ouais. Puis même s'il n'y en a pas de code, que présentement, vous n'avez pas de code, cherchez sur Google juste le nom du site, puis May 2016 code, genre promo exactement. Code. Il va tout le temps l'avoir. Allez sur Facebook aussi, sur la page. Ben oui, puis il y a des sites Internet aussi qui sont spécialisés à avoir déjà des codes d'impliquer sur certains sites Internet. Ouais. Donc, de ce côté-là, si vous pouvez faire des recherches de votre côté sur Internet, si vous êtes du style à magasiner en ligne, là, bien, prenez le temps de le faire, ça, parce que c'est vraiment des codes qui peuvent vous donner des rabais jusqu'à, mon Dieu, 75-85%. Ouais. Et c'est beaucoup, c'est des codes que l'on n'aura pas en magasin, bien souvent, mais que sur Internet, on va avoir les produits qu'on retrouve en magasin. Donc, de ce côté-là, c'est toujours super bon du côté économique. Deux codes sur Internet. Si vous allez sur retailmenot.com, oui. Vous pouvez marquer le nom du site puis vous allez avoir des codes promotionnels. Puis aussi, l'extension Honey, H-O-N-E-Y, sur Google Chrome, qui va comme tout seul aller voir s'il y a des codes à quelque part puis vous le donner. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Je le disais tout à l'heure, c'est de se fixer un échéancier aussi pour atteindre nos objectifs. Hein? C'est beau de se dire, je veux partir en voyage, mais quand est-ce qu'on veut partir en voyage? Quelle date est-ce qu'on doit avoir l'argent pour partir en voyage? Parce que ça va nous pousser justement à devoir se dire, mais là, il faut que je serre un petit peu plus la ceinture, puis je vais peut-être moins sortir au restaurant avec mes amis pour pouvoir me payer, je sais pas moi, le voyage en Inde que j'ai toujours voulu faire l'année prochaine. Donc, de ce côté-là, c'est de vraiment avoir des dates. C'est super bon d'avoir des dates dans un agenda pour notre budget et surtout de vérifier notre budget. Je le disais tout à l'heure, de se faire un budget, d'écrire ce que l'on dépense versus ce que l'on gagne et ce que l'on doit payer, bien évidemment. C'est quelque chose que je pense que tout le monde a déjà fait, mais n'a jamais suivi à la règle. Ou à la lettre. mais l'important, là, c'est de vraiment y aller avec notre budget. Si notre budget est là et si on est conscient de ce que l'on dépense versus ce que l'on gagne, bien, on va être capable de justement gérer tout ça pour arriver à nos fins. Et c'est un peu ce que l'on veut. Donc, essayez du mieux qu'on peut de pouvoir garder notre budget comme on l'a fait et non pas de... Parce que bien souvent, dans un budget, ça va nous demander combien est-ce que l'on met par semaine pour les sorties, par exemple. Ou combien est-ce que l'on met par semaine pour les vêtements, le magasinage et autres. De ce côté-là, si vous partez avec... Vous mettez déjà plus que ce que vous dépensez, bien ça va vous inciter à faire descendre cette case-là, parce que bien souvent, c'est là qu'on va arriver à pouvoir économiser le plus. Et aussi, un des trucs que la fille donnait sur Internet, c'est d'aller voir Parce qu'on a tous un téléphone intelligent, ou presque. Ouais. Et bien souvent, on se rend pas compte de tous les frais qui sont impliqués. Tellement. Mais qui sont pas nécessairement tout le temps censés être sur notre facture, que ce soit d'Internet ou de téléphone. Est-ce qu'on a réellement besoin de 365 chaînes HD sur notre télévision? Tous vos comptes se deal. Si vous les menacez de partir, là, ils vont vous baisser ça. Exactement. Donc, de ce côté-là, il faut vraiment aller voir où est-ce qu'on peut économiser le plus. Et bien souvent, ça va être dans l'électronique, ouais, dans les choses que l'on a couramment. Donc, notre téléphone, notre Internet, notre télévision. De ce côté-là, ce sont des choses que, comme tu dis, si on pousse la machine pour avoir un bon deal quand même avec les bons services, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir économiser. Moi, je pense que la meilleure chose à faire après avoir fait ça, parce que je pense que c'est la première étape à faire, c'est de regarder tout ce qui est les frais récurrents à chaque mois. Oui. Que ce soit, je sais pas, peu importe ce que c'est, mais il y a des affaires que vous payez, mettons, 50$ par mois. Oui. Surtout que ça descend en bas d'un certain montant qui vous reste à payer. Comme, mettons, ma TV, il me reste, bon, 300$ à payer. La première affaire que tu devrais essayer de faire, c'est d'éliminer ça. Exactement. Tu élimines les affaires qui reviennent à chaque mois parce que c'est 50$ de plus par mois, ça paraît. Beaucoup, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Tout à fait. Puis de payer vos cartes de crédit aussi, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. Les intérêts là-dessus sont énormes si vous la payez oui, complet. C'est ça. Je parlais de conseiller financier tout à l'heure. Vite, vite, il y a trois erreurs répandues que les gens vont faire. Qu'un site, le site est lesaffaires.com, avait donné dans un article quelques temps. Et une des premières erreurs que l'on fait, c'est que les gens ont tendance à être paresseux. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir trouver un bon conseiller en très peu de temps. Ouais. Mais bien souvent, un conseiller financier, là, ça va se magasiner. Mm-hmm. C'est comme magasiner une maison. Ça ne veut pas nécessairement dire que tous les conseillers financiers sont excellents et qu'ils sont votre meilleur conseiller ou votre meilleur ami. Donc, de ce côté-là, c'est une des premières erreurs que les gens font, c'est qu'ils vont prendre le premier venu. Une des deuxièmes erreurs que les gens vont faire, c'est qu'ils vont vraiment y aller de façon naïf. Ils vont faire confiance trop rapidement au premier et c'est comme ça que bien souvent on va arriver à se faire entourlouper dans certaines ententes avec le conseiller financier. Donc c'est vraiment d'y aller à chercher, à rencontrer différents conseillers financiers. C'est comme se magasiner une voiture ou une maison, comme je le disais. C'est quelque chose que vous allez garder pendant X années. Donc la confiance que vous allez avoir avec le conseiller financier, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est primordial. C'est la personne qui va être capable de gérer votre portefeuille avec vous. C'est parfois plus haut que votre conjoint. Ouais. C'est la personne qui est capable de tout voir ce qu'il y a dans vos comptes. Donc, de ce côté-là, vous voulez vraiment une confiance absolue envers votre conseiller financier et c'est de prendre le temps de le magasiner. C'est quelque chose qui se magasine tout simplement. Et la troisième erreur que les gens font, c'est d'avoir peur de poser des questions aux conseillers financiers. Exemple, comment je pourrais dire, à savoir comment est-ce qu'ils sont payés. Est-ce que c'est simplement une commission sur ce qui va vous vendre? Est-ce que c'est simplement une commission sur ce que vous allez économiser? Ou est-ce qu'il y a un taux horaire? C'est de poser des questions comme ça. C'est comme une entrevue. Vous lui faites passer une entrevue. Et c'est, comme je le disais, c'est quelqu'un qui va rester dans votre vie très, très longtemps. Parce que c'est vous qui avez le choix. C'est pas lui qui a le choix de prendre n'importe qui. Ben exactement. C'est vous qui avez le gros morceau du bâton. Ben tout à fait. C'est surtout... chose. C'est surtout votre portefeuille. C'est donc, ça. Si vous voulez que votre portefeuille soit bien géré et que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans votre portefeuille, bien, c'est vraiment d'aller poser les questions et de demander les services que lui offre. Si vous prenez le premier venu et que vous n'avez aucune idée des services qu'il va vous offrir, bien, c'est sûr que vous allez dépenser beaucoup plus que ce que vous aviez pensé au passé parce que ça ne sera même pas la réponse de vos attentes. Ça va être encore plus que ça. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment de magasiner votre conseiller financier si jamais vous en voulez un. Mm-hmm. Et je voulais terminer aussi, c'est attendre avant d'acheter quelque chose. Ouais. Un des points qui revient souvent, c'est de se poser mille et une questions lorsqu'on veut acheter quelque chose. Mais c'est de vraiment attendre au point où vous vous dites, OK, là, je ne peux plus attendre, il faut vraiment que je l'achète. J'en ai vraiment besoin. Parce que lors de votre attente, vous allez vous poser des questions, vous allez vous demander si vous ne pouvez pas trouver une alternative ou quoi que ce soit. Parfois, si vous voulez acheter une voiture et que vous habitez, exemple, à Montréal ou dans les environs de Montréal, bien, il y a les transports en commun qui sont pas mal plus diversifiés qu'ici, mettons, par exemple. qui sont pas mal plus diversifiés et qui sont pas mal moins coûteux à la fin de ligne que... une nouvelle voiture. Donc, c'est de ce côté-là, attendre avant d'acheter une voiture lorsque vous êtes dans une grosse ville, peut-être, bien, c'est quelque chose qui est quand même bon parce que si vous vous dites, ouais, mais je suis tellement tout le temps à l'extérieur de la ville que là, je tombe avec plus de transports en commun. Mais quand je suis dans la ville, je vais utiliser que les transports en commun. Mmh. Mais vous y avez pensé, vous avez fait les calculs, je pense. Il n'y a rien de plus cool dans la vie. En tout cas, moi, j'adore cette émotion-là. C'est quand tu attends pour être sage avant d'acheter quelque chose et que soudainement, il y a une espèce de gros deal. Exactement. Que tu fais pour beaucoup moins cher. Ça m'arrive super souvent et c'est vraiment, vraiment satisfaisant. Bien, bien souvent, c'est pour ça aussi qu'on dit aux gens d'attendre avant d'acheter quelque chose parce que les choses vont tomber en spécial à un certain moment. Il y a des périodes de l'année où les choses sont moins chères. Ah oui, tout à fait. Donc, de ce côté-là, c'est un des points les plus importants. Et aussi, si vous voulez économiser sur exemple les petites sorties, là, vous êtes genre à sortir avec vos amis de filles ou vos amis de gars assez couramment par semaine, bien faites des soupers chez vous. Oui, ben oui. Faites le même type de souper, mais faites-le chez vous. Ça peut être un potluck, sinon tout le monde amène exactement, sa bouffe, mais... ça peut être un potluck ou ça peut être un gros souper où que tout le monde va mettre un 5$ puis vous allez avoir un giga souper avec une bonne bouteille de vin pareil. C'est de tout simplement penser à économiser sur la facture qui va s'en venir en bout de compte. À la place de dépenser 60$ par personne pour sortir dans un restaurant fancy avec du vin. Mais tout à fait. Bref, que de bons conseils. Il y en a vraiment plein, des conseils financiers comme ça. Il y en a plein, là. Faites le tour. Suivez-en un, au moins. Il y a même des applications qui vous aident à gérer votre budget. Et il y en a une que je voulais vous présenter, d'ailleurs. C'est Major Finance. Je pense que c'est simplement en anglais. Mais l'application, elle est gratuite et si vous vous débrouillez quand même en anglais, vous pouvez très bien y arriver. C'est un conseiller financier, mais en application. Ah, cool! Donc, de ce côté-là, vous allez avoir des alertes sur votre téléphone. Ça va vous aider pour vos assurances, votre immobilier, vos REER, votre portefeuille personnel. Et c'est un conseiller et un gestionnaire financier québécois qui a lancé l'application. Ah. Donc, c'est vraiment cool. Ça ne tentait pas de la faire en français? Ben, écoute, je suis en train de regarder sur le site et je pense qu'elle se fait aussi en anglais. Génial. En français. Donc, de ce côté-là, allez faire un tour. L'application, je le répète, s'appelle Major Finance ou... finance majeure. Jean, merci pour la traduction, c'est cool. C'est ça. Donc, maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Non, mais peut-être que si vous le cherchez en français, ça ne sera pas le même nom. Ça ne sera peut-être même pas la même application. Donc, si vous y allez avec Major Finance, vous allez peut-être avoir l'option de mettre l'application en français dedans. Tout à fait. Donc, pour iPhone ou Android. Wow! C'est génial, hein? T'es rempli de ressources, Tania Baudin? Plein de ressources. Génial! On espère que ton budget va aller mieux avec cette chronique-là. J'espère aussi! Tania is gonna être Tania toutes les semaines à Assemblage Rocky. On est dans le même bateau. Fait que, on se comprend. On se comprend. On prend une pause au retour. C'est Marie-Christine Perrault. Gratin, vin gratuit. Tu vois, elle, c'est gratuit son vin. Elle, son gratin. C'est gratuit. On est prenant, je pense. Vous êtes assez tapé pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 2 mai 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, normalement, pour les gens qui nous écoutent le mardi, ce serait le début de l'émission là. Mais non, dorénavant, pour le reste de la session estivale, jusqu'à preuve du contraire, on est entre 14h et 17h tous les mardis en direct. Et les rediffusions, c'est le samedi à midi et le dimanche à 10h. Nouvelles heures pour l'horaire estival. Parlant de nouvelle heure, on l'a changé de place elle aussi, c'est Marie-Christine Perrault. Bonjour à toi. Bonjour. Ça va? Oui. Yeah, c'est la deuxième fois qu'on te voit cet été. Ah oui, juste ça, donc. Oui. Je suis pas assidue. Non, mais c'est pas un reproche, c'est que la dernière fois, t'étais avec tes enfants. Oui, c'est vrai, mais là, quand on est plus tôt, sont encore à l'école. Là. C'est ça, ben là, oui. Je suis perturbée de parler avant qu'on ait entendu le thème musical. T'as bien raison, ça fait bizarre. Il y a des gens qui refusent systématiquement de parler si leur intro a pas. Ben, moi, je suis pas bête comme ça, mais je te dirais j'aurais eu ce réflexe-là aussi. Là, hein, quoi, parce que c'est comme si j'apparaissais avec le thème musical. C'est gratin et vin gratuit! Raisin en grappe, fromage brie, les galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvres, de photographies, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Ah! Voilà, je suis arrivée dans le studio comme par magie. C'est bien, Marie-Christine Perra qui est avec nous. Salut, Marie-Christine. Ben bonjour, je suis bien contente de vous retrouver, groupe de deux. Groupe de deux, t'as raison. Et groupe de groupe de je sais pas combien d'auditeurs. Je sais qu'on n'est pas groupe de numéro 2 comme dans du Kikar. Ben non, vous êtes mes numéro 1, évidemment. Ah, merci, toi aussi, évidemment. Toi aussi. Ben oui, ça, j'ai manqué une semaine parce que je suis allée pour voir les expositions lundi. Ouais. Puis, ben là, lundi, j'aurais dû m'en douter, hein, c'est pas mal tout fermé. Ben, vu que les affaires, c'est comme les salons de coiffure, sont ouverts la fin de semaine, fait qu'ils prennent lundi comme jour. Ouais, mais en France, c'est les mardis, les musées, puis tout ça, mais là, ici, c'est lundi à Trois-Rivières, coudonc, fait que là, je suis même allée au Zénob, je vais aller voir l'expo du Zénob, puis lundi... même allée au Zénob, genre la dernière position ever, là, genre... Non, non, vraiment pas, je suis allée quelques fois, c'est bien correct, non, mais c'est pas, je me dis, là, attends, tu sais, je vais aller là, au moins, je vais avoir quelque chose à dire, tu sais. Puis le lundi, ça ouvre genre à 9h, le Zénob. Le soir. Bon. Fait que pas de chance, j'ai pris congé finalement. Puis là, ben c'est parfait parce que mes enfants sont à l'école, donc je peux être plus libre. T'as pas à répondre à leurs devoirs de mathématiques. Non, en même temps. C'est ça. Pourtant, on avait tellement aimé ça. C'est oui, c'est ça. C'est ben, un bon là, moment. Ouais, on pourrait revenir à 4h, mais en tout cas, là, comme ça, je trouve ça bien. Donc, moi, j'ai été voir l'exposition des finissants. J'en avais parlé. Oui. Je sais pas si tu avais fait l'annonce, Mathieu. Je m'excuse, non. Non, bon, je m'excuse, c'est pour ça que j'étais toute seule. Ben, c'est ça. Non, non, pour vrai, on était très, très nombreux. Puis même qu'à un moment donné, quand il y a trop de monde dans un vernissage, là, il fait chaud. Oui. Puis finalement, on regarde pas les œuvres, puis ça jase. Ouais. Puis, ben, il y avait du gratin. Oh! Il y en avait. Il y en avait beaucoup. Mais pas du gratin littéral. Les gens pensent qu'il y a du fromage gratiné. Ouais. Non, du gratin, c'est les personnes. Les hauts placés de toi. Oui, c'est ça. Ben, les hauts et beaux placés. Oui, oui, c'est ça. C'est, ah, juste ça gratine. Juste ouais, il était là. Non, mais ça, c'était en trois lieux, en fait. Ça se poursuit jusqu'au 7 mai. Okay. Tout ce que je vous parle, vous pouvez aller, mais il faut se dépêcher. Oui, même que ça fonctionne pour les gens qui nous écoutent en rediffusion le samedi aussi. C'est cool. Parce qu'on non, va le 7. Ah, le 7, c'est ouais, samedi. Dimanche et le 8. Oui, c'est ça. Fait que jusqu'à j'attends. Samedi, mais bout, ça se peut que ce soit. La galerie ici, je ne suis pas sûre qu'elle est ouverte le samedi. Là. Ah, bon. Fait qu'allez-y, vendredi. Pourquoi il marquait avant jusqu'au vendredi. 7 d'abord? Ben parce qu'il y en a d'autres. Le places. 7 à minuit. Oh! Oh! Ah, ouais. Mais c'est parce qu'il y en a d'autres endroits qui sont probablement ouais. ouverts le samedi. Mais en tout cas, fait allez-y donc avant vendredi. Oui. OK? De suite, là. Donc, j'ai été, premier endroit, c'était à la Galerie d'art du Parc, qui est la maison de Tonnancourt, là, sur la rue des Ursulines, qui est un très bel endroit. C'était, là, il y avait trois étudiants qui exposaient là, plus d'autres expositions, mais en tout cas, je vais vous parler que des étudiants. Donc, première œuvre exposée, c'était de la photogravure. OK. Photogravure. Sur ouais. papier chine. Ah! Hein? Quelle langue oh. parle je? Donc, la photogravure, ben, en fait, je ne suis vraiment pas familière avec la technique, mais ce serait... j'ai cherché Vive Wikipédia, d'ailleurs. Ouais, c'était cœur, hein, cet endroit. Puis maintenant, j'ai Internet. Oh. Hey, félicitations, parce que tantôt, Tania a un petit peu ri des gens qui n'ont pas de téléphone intelligent. Non, t'as ça? Non. Tu l'as, ça? J'ai un téléphone intelligent. Mais t'avais pas Internet. J'avais pas Internet. J'ai aucunement ri des personnes qui n'avaient pas de téléphone intelligent. J'ai dit que la plupart des gens avaient pas avaient des téléphones intelligents maintenant. Oui. OK, moi, j'ai entendu les autres sont des losers, mais ça, c'est juste moi. Ça, c'est okay, dans ta tête. T'entends des voix, Mathieu. Non, puis j'économise parce que, en tout cas, je sais pas si on a le droit, mais tu sais, je le partage avec quelqu'un de gentil. Beaucoup de gens font ça, mais ouais, ça veut pas dire que c'est correct, mais. Ben, en même temps, je l'utilise tellement peu. C'est ça. Mais ça fait que tu sais je pouvais comme aller chercher mes affaires sans m'en faire avec mes c'est ça. Ben c'est un partage c'est écoute comme si tu faisais de la colocation. Ouais. Ouais mais c'est ça là, moi je suis très très pour ça du coup voiturage internet. Et voilà. Exactement. Oui. Tant plaisir. Bon, OK. Donc, oui, j'ai Internet maintenant. Donc, j'ai pu chercher allègrement des informations. Donc, la photogravure, ce serait, je crois, une forme d'estampe ou d'impression qui est faite à partir de la décomposition des couleurs. OK. Okay? Donc, il y a quatre couleurs, donc les couleurs primaires, qui sont magenta, jaune primaire et cyan. Oui. Ce que j'ai appris à des élèves de primaire tout à l'heure. Mais c'est difficile à retenir. Faut que tu te forces. Faut que tu te forces un petit peu. Faut que tu penses à qu'est-ce qui peut se mélanger avec les autres. Oui, si c'est un truc pour toi, ouais. Allons-y. Puis plus le noir. Okay? Donc, okay. Mieux connu sur le terme, je pense, CMYK. Tu sais, des fois, il y a le oui, choix. Oui, ou là. CMYK, des fois. C'est ça? Oui, ça serait yellow. CM, magenta, yellow. And, yeah. Et noir, black, le and cas. Black. Black mm-hmm. OK, K for black. Yeah. OK. That's right. Donc, c'est ça. Donc, ça serait une décomposition des couleurs. Donc, il y aurait comme quatre impressions sur le même papier qui fait en sorte que ça fait de la photogravure. OK, fouille-moi trop pourquoi tout ça, mais je pense que ça ressemble à ça. Et pourquoi ça s'appelle la photogravure, mais bon. Ouais. Ah, ben, ça vient d'une autre époque un peu, là, puis... Ben, c'est Wikipédia, hein? Ouais, c'est ça. OK, bon. Mais c'est... Puis je voulais aller quand même vulgairement pour être rapide. Mais ce serait un procédé comme ça, OK? Et du papier chine, qui est un papier qui a une petite teinte un peu grisâtre, okay. Qui est fait à partir d'herbes ou de plantes fibreuses, comme le chanvre ou la jute, ou la jute, le lin. Du jute. Du jute. En tout cas, ça. J'aime ça éviter les problèmes, moi, c'était ça. Ça, c'est ça. À jute. Le jute, OK? Tania! C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la jupe. Bon. Une chance, les enfants sont pas là. Non, c'est ça. ça peut être fait aussi avec des tiges de riz ou de blé ou même avec du coton, OK? Du bambou, du roseau, tout ça. Donc, c'est fait à partir de fibres végétales. Comme un Gigi Amoroso, ça. Oui, exactement. C'est la même personne. Maintenant qu'à l'Internet, t'as écouté de la musique de même sur YouTube. Oui, ben j'ai pas mal le temps, pareil, d'utiliser ça. Donc, c'est un papier qui devient très fin, mais en même temps très résistant. Okay? Et puis, il y a nul autre que Rembrandt qui aurait utilisé ce papier-là. Puis, je me demandais, Tania, Rembrandt, ça serait quoi une de ses pièces majeures, toi qui connais l'histoire de l'art? Hey, mon Dieu, non, sérieusement, ça, je ne sais lui. Point. C'est lui qui a parti la pâte à dents, Rembrandt. Il y a une pâte à dents. Oui, oui, aussi, ben oui, c'est ça, dans les années 1600, quelque, là, on était à sa pâte à dents. Il a jeté de partout. Mais lui, il a fait la leçon d'anatomie du docteur Turpe. Qui est très connu. Oui, c'est lui, ça. Tu vois, ben là, Tania cherche sur Internet. Chose pratique. Tu vois, une chance qu'elle a ça ici. Effectivement. Ben, donc, j'ai vu la... On a déjà analysé cette pièce-là, mais pas l'auteur de la pièce. Ah, OK, mais tu t'en souvenais pas, mais je me doutais que ça te sonnerait une petite cloche. Donc, c'est ça, Rembrandt a utilisé ça, mais bon, trêve de Rembrandt, là. Arrête de rembrandrer dans le manche. Oui, c'est ça, exactement. Donc, passons aux choses sérieuses. Donc, la personne qui nous offrait cette photogravure sur papier chine, voyons, j'ai pas pris en note son nom, c'est pas fin. Ben voyons, donc, je suis bien bête. Bon, excusez-moi, pauvre fille. C'est Caroline Champoux. Ah, voilà. Tu sais, je me dis, donc, hein, pauvre belle. Donc, Caroline Champoux qui nous offre Temps immergé avec cette photogravure sur papier chine, qui sont des œuvres, disons que là, c'est plutôt monochrome, là, c'est dans les teintes de bleu, mais c'est suspendu au plafond. Fait que ça fait comme des espèces de vagues, de petites vagues suspendues au plafond, disons là, de cette manière-là. Puis il y a une projection vidéo sur les estampes. Ah, donc, d'accord. Ça fait comme une espèce de mouvement qui rappelle l'ondulation des vagues, peut-être. Ah. Quelque chose de très, très, très organique. Marais, comme ça. Oui, il y a quelque chose, puis c'est bleu, tout ça. Mais elle a voulu... Elle a voulu plutôt représenter l'effritement des images avec le bleu, OK? Puis elle voulait représenter aussi l'architecture qui cohabite avec l'espace naturel, comme dans la vraie vie, évidemment. Mm-hmm. Donc, il y a des représentations architecturales urbaines, puis il y a des représentations plus de nature. Donc, ça rappelle cette espèce d'organique qui vit avec le urbain. Okay, ça a été ça, c'est ça en fait qu'elle voulait représenter. Puis donc, c'est ça, donc c'est le spectateur qui est sous l'œuvre, en fait. Donc, ça donne quand même, tu sais, il n'y a rien de renversant dans cette œuvre-là, mais ça fonctionne, là, mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a fait. Tu sais, c'est très paisible, très agréable. C'est une œuvre à contempler, puis voilà, c'est très efficace et réussi, mais c'est ça, il n'y a rien d'incroyable. Là. De révolutionnaire. Non, mais ça fonctionne. Ah, là, je vois une image de Caroline Champoux au travail, donc sur sa page Facebook. Bien sûr, Caroline Champoux. Coudonc, elle. Ben oui, mais Tania est vite sur le piton. Ouais, j'ai Facebooké la demoiselle. Donc, ensuite de ça, dans une autre pièce de cette galerie, il y a Jenny Beauchemin. J'imagine que c'est une fille, là, Jenny, mm-hmm. Qui présente Haché Mati. OK. Okay. Donc, elle va parler d'identité, l'identité à travers le physique, mais aussi l'identité qui se construit à travers le regard de l'autre. Donc, c'est comme elle a voulu exprimer cette accumulation-là d'identité, tu sais, de rencontres, d'expériences qui fait en sorte qu'on a une personnalité. OK? En gros, c'est ça. Et lâcher Mati, savez-vous ce que c'est, Coudon? Non. Il y a plein de jeux de mots à faire avec ça, mais j'en ferai aucun. Ah ouais? Ben, tu peux en faire. Non. C'est juste que j'ai compris après. Okay. Une fois la rediffusion jouée. Oui, ben l'autre fois, quand j'avais présenté, je parlais de Lorraine Beaulieu. Tu as dit mieux connu sous le nom de Rambo. Rambo. Puis là, tu sais, là, ouais, OK. Mais après coup, j'étais chez moi seule, puis je l'ai ri, finalement. Ah, good, une chance. Ben, j'ai trouvé ça drôle. Mais c'est bien, au moins, si tu fais semblant en onde, contrairement à Tania qui fait exprès pour pas rire devant le micro, pour être sûr de pas me donner la satisfaction de faire rire à quelqu'un. Hein? Mais c'est aussi parce que... Mais non, elle est loin du micro. C'est aussi que je veux pas avoir l'air de pas comprendre. Fait que, tu sais, je peux faire... pour, on fait tout ça une fois de temps en temps. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, mais je le fais souvent quand c'est lui qui l'a. Mais c'est que mon humour est tellement comme à un autre niveau supérieur. Il est difficile. Ben, il est juste long à saisir. Mais une fois saisi, ben... T'es long à saisir, Mathieu. Merci, comme une viande. Ah, c'est... C'est de la viande. Bon, donc, la schématie, c'est... En fait, c'est un terme en psychologie qui est utilisé. C'est comme la schématisation, le schéma de soi. Ah, OK. OK. Donc, c'est ça qui va influencer nos motivations, qui va influencer aussi notre mémoire. Ah! Bon, hein? Oui, oui. Là, c'est de façon très vulgaire. Ouais. En fait, là, c'était pas Wikipédia, c'était Vulgurus machin, je sais pas quoi. Fait que là, c'est quelqu'un qui vulgarise, en fait, des trucs scientifiques. Donc, moi, je vulgarise le vulgarisateur. Wow! Attention. Ça, donc, c'est de la vulgarisation. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pour les morts. C'est ça qui va... ben, tu sais, je pense, OK. Salutations à tous les auditeurs qui viennent de se faire de traiter. Salut! Donc, c'est ça qui va régir la conception de l'individu de soi-même et de l'individu de l'autre, en fait. Puis, l'achématie, en fait, c'est un trouble qui se définit par une perte de la conscience du corps ou de certaines parties du corps. Donc, il va altérer la manière qu'on a de percevoir un individu ou soi-même. OK, je vous laisse là-dessus. Oui, non, ça me laisse... C'est neurologique. Oui. C'est pas le corps qui c'est lâche. Une bonne question. Ah, OK. Dans, oui, oui, c'est ça. C'est, mais les schizophréniques aussi, là, c'est... Y a, là, j'allais plus loin dans le détail, puis ça peut être assez particulier comme phénomène. Mais ceux là, qui ont du riz dans le cerveau, du riz bachmatique. Oui, exactement, du riz bachmatique. C'est ça. Ouais. Fait quand je vais me faire du riz... tu vas penser à ça. Elle va rire toute seule dans son là, elle fait semblant de comprendre. Mais qu'elle fasse son riz, là, elle va l'écouter comme elle va vraiment comprendre. En plein ça, vous avez tout compris. Donc, je m'achématise. Donc, elle a fait son œuvre, s'appelle Achématie. Et puis, c'est de la sérigraphie sur bois. Puis, déjà en partant, je trouve que c'est un médium puis un support qui se rencontre vraiment bien. Parce que le bois, c'est déjà très organique comme support. Puis, c'est pas blanc, tu sais, une espèce d'immaculé blanc, là, comme l'étoile. Bon, parce que c'est très, très pur. Donc, il y a déjà une teinte un peu beige. Puis on voit les nœuds du bois. Je trouve que le bois, déjà, c'est un matériau qui est organique. Donc, pour parler de l'identité, ben, je trouve que ça se prête très bien. Donc, ça, c'est un beau plus pour mademoiselle que j'ai pas dit son nom. Ah oui, Jenny. Donc, bravo à elle d'avoir bien pensé à ça. Et aussi, la sérigraphie, c'est quelque chose de très manuel. Hein. Il y a beaucoup de gestes, de répétitions dans ça. Donc, je trouve que le corps est très impliqué dans le mouvement de la sérigraphie. Pas qu'il n'est pas dans d'autres circonstances artistiques, mais la sérigraphie en particulier, je trouve qu'il y a une chorégraphie qui est rattachée à ça. Donc, le bois et la sérigraphie, là, je trouve vraiment... C'est A1. Ouais, ça A1. Va bien. En tout cas, moi, personnellement, j'aime bien ça. Fait que, voilà, donc, elle a fait des portraits en sérigraphie sur bois. Puis donc, c'est en noir et blanc, mais comme il n'y a pas vraiment de blanc, on va plutôt dire dans des valeurs de gris. Des nuances et... Dépendant du bois que tu utilises. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est pas de... Y a-tu du bois blanc? Du bleu. Ah, ça rappelle sur feuille de bleu. 100% blanc. Mais ouais, c'est pas sur bleu, disons que c'est sur des canevas de bois. Donc, ma radio au bleu. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs valeurs de gris, pour ne pas dire noir et blanc. Donc, et puis, elle va faire des interventions aussi avec des lignes très, très droites. C'est très, très subtil, là, mais ça fait un petit peu comme un cadrage. Tu sais, ça rappelle une espèce de mise en case de l'individu, de certaines catégories d'individus. Donc, il y a quelque chose de très des étiquettes ou des tiroirs. Ou de restreint, si on veut. Restreignant, non, ça se dit restrictif. Pas. Restrictif, bon. Qui restreint. Ouais. Donc, c'est ça, c'est comme si ça rend un petit peu conforme l'individu à se placer dans un certain gabarit. Mmh. OK, ça pourrait être c'est comme ça que je l'ai interprété, puis je trouve que ça sert bien cette œuvre-là. Puis c'est très, très subtil, là, les lignes qui sont là, mais je trouve que ça fonctionne très bien. C'est très beau comme œuvre, ça, vraiment, là. Puis les portraits sont un petit peu abîmés, comme si on avait glissé notre main dans de la peinture pas sèche encore. Donc, tu sais, les yeux peuvent être un petit peu... je dis abîmés, là, parce que ça n'a pas été fait, elle, sur... Tu sais, c'est pas une intervention qui a été faite manuellement, mais c'est probablement dans le... Quand elle a numérisé ses photos, mm-hmm. avant de les imprimer, elle a changé quelques petits trucs, d'après moi, à l'ordinateur. Mais tu sais, ça fait comme si on avait glissé nos doigts dans la peinture fraîche un peu. Tu sais, ça donne cette impression-là. Donc, une espèce d'altération de la personnalité de l'individu. Tu sais, selon comment moi je te perçois, Mathieu, mettons, ben c'est pas de la même manière que Tania te perçoit. Comme moi, tu sais, je ris encore de tes blagues. Tania, elle a compris vraiment. Moi, je les ris pas. Donc, je trouve que ça fonctionne très bien. C'est une très belle œuvre qu'elle a faite. Il y en a peut-être une dizaine de portraits, là. Quand même assez petit format. Aussi, au dernier étage, en haut, au grenier, il y a Myriam Maltais qui fait une installation pluridisciplinaire dans le grenier. Le grenier de cette place-là est un endroit à lui seul, est une œuvre finalement, là, très, très particulier, où ce qu'on sent qu'il y a, tu sais, qu'il y a des traces de mémoire incroyables. Si c'est les murs pouvaient parler. S'il le pouvait. Ouais. C'est des grosses lattes de bois, tu sais, du vieux bois qui... espacé par le temps, ou dans le temps, il faisait ça espacé pas mal. Mais en tout cas, c'est très particulier de se retrouver là. On peut croire que ça va s'effondrer aussi, tellement c'est précaire comme endroit. Donc, c'est ça. Elle a voulu exprimer là, la rencontre entre la liberté, l'emprisonnement, le voyage, l'isolement. Il y a des cages d'oiseaux, il y a des projections vidéo, il y a des estampes, il y a un paquet d'affaires à cet endroit-là. Donc ça, c'est Myriam Maltais qui nous présentait ça. Ensuite de ça, on se dirigeait à l'atelier Silex. Okay, qui est sur la rue Père-Frédéric à Trois-Rivières, qui est un endroit qui a été fondé par des anciens étudiants ici à l'UQTR. Donc, c'est un endroit de sculpteurs, à peu près. Okay? Donc, puis ils ont un espace de diffusion aussi. Donc, c'est là que c'était exposé. Il y avait deux œuvres. Là, disons que j'ai peut-être pas tout compris. C'est peut-être pas ce que j'ai préféré. Mais tu sais, je me dis, c'est comme je me mets toujours mal à l'aise de dire ça. Sauf qu'en même temps, quand on fait une œuvre, tu sais, on la donne au public. C'est le public, c'est ça, il est libre d'aimer, de moins aimer. Il est libre de comprendre, de pas comprendre. Ça fait pas de leur démarche quelque chose de nul. Le texte écrit qui accompagne l'œuvre, il est très bien. C'est juste que peut-être qu'au niveau... moi, de comment je le reçois. Exactement. Donc, tu sais, tout le monde, là, soyez libre quand vous allez voir une exposition, là, ça se peut qu'on aime moins ça. Comme j'avais dit l'autre fois, il y en a pour tous les goûts, puis c'est pas parce que t'aimes pas le rap que t'aimes pas la musique. Ouais. OK? Donc ça, ben, j'ai peut-être un petit peu moins aimé, moins compris, mais c'était un petit peu plus abstrait, là. Les deux, c'est du travail avec du bois. Il y avait des vieilles souches qui étaient là avec des traces de pas, donc quelque chose d'un petit peu plus installatif. Puis l'autre, c'était une espèce de sculpture, mais comme en deux dimensions, parce que c'était accroché au mur. Puis c'était du bois aussi. Donc, j'ai pas trop saisi la chose. Donc, je vais passer rapidement sur Silex. Mais d'ailleurs, en passant, Silex vont sortir une ligne d'étiquette de bière. Ah oui! Au mois de juin, je pense, pour la Biennale de sculpture. Puis c'était en collaboration avec À l'affût de Saint-Tite. Donc, je vous en reparlerai de manière plus détaillée prochainement. Wow! Oui, ici, c'est parce que je vous écoutais, puis j'ai noté que le 13 mai, c'était la journée de l'humus. Oui, l'humus, tout à fait. Parce que, nous autres, on se nourrit à ça. On va en manger plus. Je parlais d'économie tantôt, là. Achetez-vous de l'humus. Puis moi, là, j'ai deux enfants, je suis aux études à temps plein, puis j'ai pas de dette, sauf d'études un peu, là. Ouais. Mais non, c'est vrai, je suis très, très économe, moi. Je m'achète pas de linge, j'attends qu'on m'en donne. Ah. Puis, le message est passé. Oui, exactement. Donc, la nouvelle saison arrive. Vous pouvez venir porter ça en poche à la station de radio, il n'y a pas de problème. Je suis prenante. Mais tu sais, vu que toi, tu avais une petite note sur l'humus sur ta feuille, moi aussi, j'avais des notes, c'est juste que je ne savais pas où les intégrer. Silex, je voulais faire un jeu avec Silex Luther, Cadaver Superman. Ah oui, c'est vrai. Mais je ne savais pas où le placer. Puis j'avais Maltais. Si elle avait été une héroïne, elle aurait eu un alter ego. Bon. Je vais t'envoyer avec ma chanson qui parle de mémoire, en fait, parce qu'on va se transporter à la galerie R3 où il y a une évocation comme ça de mémoire. Je fais des beaux liens, moi. Jeanne Moreau, j'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai appelé par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui sifflotait chaque jour en se rasant. C'était Jeanne Moreau et la pièce « J'ai la mémoire qui flanche ». Ben oui, parce que je vous transporte dans la galerie R3 de l'université, qui est vraiment un endroit à aller voir d'ici vendredi. Là, allez-y donc, ça prend pas de temps, c'est pas loin de chez vous, c'est sûr, parce que les ondes pognent pas même plus loin que... Ah, ils sont... Ça pogne super loin à cette heure, ça. Jusqu'à Louisville, là, mettons. Ouais, j'en plein. Chaoui. Ouais. Ça pogne à Chaoui. Et le monde via cfou.ca. Oui. Ah oui, c'est vrai, le monde. La France via cfou.ca. Oui, ouais. Belgique via cfou.ca. Ben là, c'est peut-être un petit peu loin, là, mais ça vaut le détour quand même. Oui, c'est vrai. Donc, vraiment, là, j'ai été très saisie en rentrant dans la galerie. Tu sais, parce que bon, c'est des étudiants finissants. Mais quand même, il y a du, on voit qu'il y a du grand potentiel. Puis il s'est passé quelque chose dans la galerie, je trouve. Ouais. Surtout dans la manière dont les œuvres ont été disposées. Ça joue pour beaucoup, ça aussi, des fois. Là. C'est pas, juste une œuvre tout seul, c'est quelque chose. Mais quand elle est accompagnée, bien accompagnée, tu sais, c'est comme une femme bien accompagnée. Oui. Ah, voilà. Mieux vaut seul que mal accompagné. C'est ça. Et ça, c'est jusqu'à vendredi. On parle du 6 mai. Oui, bien, c'est sur le papier, ça dit jusqu'au 7, mais la galerie de l'université, je pense pas qu'elle est ouverte le samedi. Fait que c'est jusqu'à vendredi, genre 3-4 heures pour être sûr, parce que des fois, ça... Ça ferme tôt le vendredi. Ça peut. Tout ferme tôt le vendredi à l'université. Ça se peut, exactement. Donc, c'est ça. C'est, en plus, c'est des œuvres qui sont grandes. Donc, c'est sûr que ça fait un rapport avec le spectateur qui est particulier. Puis, c'est ça saisit, disons. Il y en a une. Dès qu'on entre, ce qu'on voit en premier, c'est Ahad Molemi ou Moslemi, là, je ne sais pas comment le prononcer, là, ou Ahad, mais ça doit être Ahad, j'imagine. En tout cas, pardonnez-moi, mais c'est comme ça que je l'interprète, son oui, petit ben nom. Oui. C'est subjectif, ça aussi, les noms. Ben oui, quand on ne se l'est pas fait dire. Là. Donc lui, c'est ça, il aborde la mémoire, le souvenir, les traces qui s'impriment dans nos mémoires. C'est comme si c'est l'interprétation de l'autre par le souvenir. Parce que dès qu'on n'est plus avec quelqu'un, ben on l'interprète d'après ce qu'on se souvient, puis c'est pas ça la réalité. Puis souvent, ça va être différent. Ce que moi, je peux me souvenir d'un événement, ce que Tania peut s'en souvenir, ça va être... Tu sais, ça sera pas la même chose. On n'aura pas... on se rappellera pas exactement de la même chose. Puis on se rappellera pas d'une personne de la même manière. Puis même comment il est habillé ou quelles couleurs sont ses yeux. Puis tout ça, tu sais, si on était super bon en dessin, puis on dessinerait le souvenir qu'on a de quelqu'un, je pense qu'on dessinerait pas de la même manière les personnes. Donc, c'est un petit peu sous cet angle-là qu'il aborde ses œuvres. En fait, c'est 5 grosses toiles, quand même assez gros format. Puis c'est 5 portraits, je dirais, féminins. Puis c'est très, très beau, là. Puis, tu sais, simplement comme ça, c'est très beau. Puis pas que les filles représentées sont belles, là, pas du tout. Même qu'il y en a, c'est un peu extraterrestre. Il y en a une qui a comme une espèce de loup devant les yeux. On voit pas son visage. Puis là aussi, il y a des portraits qui sont abîmés un peu. Mais lui, c'est de la peinture, donc je pense qu'il a vraiment glissé. Okay. Peut-être pas sa main, mais il y a de la peinture qui a été glissée. Vraiment, là, j'ai été très, très impressionnée par ces œuvres-là. Puis il y a un ajout aussi de pastel gras, je crois, là. En tout cas, C'était pas du crayon de cire. J'ai regardé comme il faut, on se le demandait. Donc, c'est un ajout de pastel gras qui vient faire des lignes. Vraiment, là, c'est très beau. C'est d'une grande beauté. Okay? Tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Cette œuvre-là, ça s'appelle « Dernière facette ». Voilà, ça, c'est à aller voir. Vraiment, là, je vous le conseille. Puis les couleurs sont très franches dans ça. Les fonds, là, il y a des bleus, des rouges. C'est vraiment magnifique. Puis d'ailleurs, il a gagné le premier prix Gilles Verville, qui est une acquisition d'œuvres d'art, comme on parlait la dernière fois. Oui. Donc, il est assorti, je pense, d'une bourse de 1000 $. Donc, c'est pas rien pour le jeune homme. Par contontre, ces cinq œuvres valent beaucoup plus que 1000 $. Ouais, c'est sûr. Là, mais d'après moi, ils vont acquérir seulement une. Là. Donc voilà, donc c'est pas pour rien non plus que j'ai été saisie comme ça. Je suis pas la seule à avoir été impressionnée par son travail. Et pour terminer aussi, il y a Cynthia Lessard qui a fait des œuvres très grand format aussi. Elle a fait des portraits, mais disons avec aucun contexte derrière. Donc c'est sur une espèce de beige. Puis c'est des portraits grandeur nature. Il y en a un, c'est il est très très large là. Je sais pas, mettons 6 pieds par 5 pieds, là, je sais pas, c'est un grand rectangle. Puis l'autre, c'est un rectangle, mais fait sur le haut, mettons. Okay. Puis les deux portraits sont très proches, mais sont complètement décontextualisés. Parce qu'elle est pensée, tu sais, des fois, on croise quelqu'un, mais on le voit pas vraiment. Mm-hmm. Ou, tu sais, si on s'attarde pas à quelqu'un, tu sais, ça peut être quelqu'un d'extraordinaire, mais qu'en fait, on fait juste passer tout droit. Mm-hmm. Souvent, ça peut être ça. Puis il y a des grands fils brodés aussi sur la toile qui vont faire des triangles. Donc, il y a presque pas de peinture. Mais ça donne, tu sais, ça fonctionne. Il y a des affaires, des fois, tu vois, puis on ne sait pas trop pourquoi. Là, la composition, tout ça fonctionne très bien. Et puis son traitement aussi hyper réaliste en peinture, tu sais, ça aussi, ça impressionne toujours. Ouais. Quand quelqu'un a une maîtrise d'une technique comme ça, on est toujours un peu charmé, disons, par ça. Fait que ça aussi, c'est vraiment à voir. Puis les deux sont chacun sur leur pan de mur qui sont côte à côte. Fait que ça fait vraiment les deux œuvres ensemble, ça fonctionne. Là. Puis aussi, bon, il y en a d'autres. Il y en a une, c'est un grand filet, puis il y a suspendu des espèces de baleines en origami, mettons. OK. Bon, OK, ça, c'est tel que tel, mettons. Ça va, tu sais, c'est une accumulation, c'est une répétition, ça va, c'est correct. Mais quand on se place, il y a une espèce de dalle là, qu'il faut trouver dans la galerie où on est derrière les baleines, puis on regarde vers les deux œuvres. Puis là, c'est comme il y a un pied carré où la galerie, elle est belle. Puis les trois œuvres ensemble, ça fait vraiment, je sais pas, elles communiquent ensemble les trois. Donc, il faut trouver cet endroit-là. Qui est comme... Il n'est pas écrit par terre. Il y a pas non, mais c'est ça. Faudrait que j'aille mettre un X. Faudrait que j'aille mettre un X. Mais si j'étais sûre que le monde irait, là, pour vrai, j'irais le mettre mon X. Mais là, je sais pas. Là. Toi, Mathieu, vas-tu y aller? Mettre le X, juste pour mettre le X. Juste pour mettre le X? Ah, ouais. Non, mais si je vais mettre un X, vas-tu y aller? Regardez. Si je mets un X, OK. Ah, bon, en tout cas, je ne sais même pas si je convainc ces deux personnes ici. Mais en tout cas, il y a un endroit. Snob, ouais, ben oui, mais snob. C'est justement les arts visuels, c'est fait pour ce monde-là. Fait qu'en tout cas, mais il y a un point vraiment où c'est formidable. Puis là, c'est plate, il y avait une autre affaire que j'avais vue, vas-y. Ben non, je peux pas en parler, là, ça fait trop longtemps que je jase. Mais juste rappeler que jusqu'au 6-7 mai, c'est l'exposition des finissants. Le 8 mai, dimanche, il y a un vernissage à Raymond Lanier. Oui. Fait que là, allez-y. Ils font des très beaux vernissages, eux autres. Puis jusqu'au 29 mai, il y a Transgenèse à la Galerie d'Art du Parc. C'est Aimé Zayed et France Arsenault qui font le duo Azeille. En tout cas, je ne sais plus trop. Mais c'est Gilles. Non, mais c'est qu'ils ont fait comme... Ils ont mis leurs deux noms ensemble. Ouais, ouais. Ça fait... Ayez ou Az, en tout cas, je ne sais plus, là. Mais un duo de quoi? Ils font un duo d'artistes? Non. C'est, ben, peut-être. Ça aurait pu. Peut-être qu'ils ben, pourraient. Non, ils font de la sculpture, ils font aussi de l'estampe numérique. Puis il y a quelque chose de très mythologique, très surréaliste dans leurs œuvres. Vraiment, là, moi, j'ai été très, très surprise par la finesse de leur travail. Puis en même temps, que c'est drôle, c'est profond, des fois. Ça aussi, ça vaut le détour. Donc, Galerie d'art du Parc pour les finissants. Mais jusqu'au 29 mai, il y a Aimé Zayed et France Arsenault qui présentent... c'est un duo d'artistes qui présentent un paquet de choses. C'est très bien, pour vrai. Et Aimé Zayed, c'est le directeur du département philosophie et des arts. C'est les boucles, les cheveux gris bouclés. Oui, tu le connais? Non, mais on le connaît parce qu'il passe tout le temps les corridors. On le voit, on sait c'est qui. C'est vrai, tu sais c'est qui? Comment on sait c'est qui, Aimé Zayed? Je sais pas c'est qui le directeur, moi, de Psycho, là. Pas parce que jamais ici. Je sais pas. En tout cas. Mais mais c'est ça, c'est un beau travail, ça vaut la peine. Fait que je vais m'arrêter là-dessus. Dommage pour eux que je puisse pas en parler plus, mais... C'est ça, c'est toi qui sais pas ses propres règles-là. Ben, je sais, je sais. Ouais, mais là, écoute, je déborde. Ah. Fait que c'est pas une émission sur les arts visuels. Marie-Christine Perra, que t'es donc une femme sage. Ben oui, j'essaie. Sage et gentille et tellement pertinente. Ben, puis peut-être que j'en reparlerai la prochaine fois. D'abord. Peut-être, ben oui. Ben oui, on se gâtera. Si tu veux. Marie-Christine, on te retrouve dans deux semaines. Oui, cette c'est fois-ci, ça. Oui, c'est bien ça. Dans deux semaines, toujours en début de deuxième heure d'émission, Assemblage requis. On te remercie encore une fois. Ben, ça m'a fait plaisir. Marie-Christine Perra. On prend une pause. Au retour, on va être rendu à s'acheter des gadgets. Ouh, c'est le moment, là, notre argent. On a eu le temps d'économiser depuis ta chronique de tantôt, je pense. Moi, ouais. Je me saute au moins 50 cents en allant pas me chercher des jeux. Ça va bien. Hein? Ça va bien. Merci beaucoup. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes à Sibout? À Trois-Rivières, c'est le 89.9. Toujours à Assemblage requis pour la semaine du 2 mai 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. On l'a dit dans quelques instants, ça va être sexiste, mais ça ne devrait pas. On l'a, mais avant ça, ça fait un bon bout qu'on n'a pas entendu une pièce. Donc voici le numéro 1 francophone. Ouh là là! C'est Rosie Vallant et Nord-Est à Assemblage requis. Je peux blâmer ton silence encore, mais je l'entends. était Rosie Valin, le numéro 1 francophone nord-est à Assemblage Rock. Oui, ben maintenant, on l'a dit, hein, il nous reste un petit peu d'argent parce que tantôt, Tania nous a fait plaisir en nous disant comment ramasser de l'argent. Oui. Puis ça s'est tellement accumulé vite, cette histoire-là, qu'on est rendu avec un budget d'incroyable ridicule, assez fou. Donc, on a tout vendu, les mains. On anime debout, dorénavant. Voici ça, ça ne devrait pas. On anime debout, on n'a plus de téléphone, fait que vous ne pouvez plus nous appeler. Ouais, on répond plus au courriel, plus d'ordinateur, on va tout vendre ça. Pour pouvoir s'acheter un livre, pour commencer cette chronique de sexe, ça ne répond là. Un livre, un petit peu comme la semaine passée, on a essayé l'application Encounter pour. Tu l'as essayé avec nous en ondes pour te simuler un tatou sur le bras. Ça a super bien fonctionné. Ouais. Tu peux jouer avec la grosseur en plus que j'avais pas vraiment réalisé quand j'ai fait le test, mais c'est par la suite, j'ai retesté. Ça s'appelait donc Encounter et cette semaine, ben, pour être dans la même lignée un petit peu, c'est un livre de coloriage, mais avec des peaux et des parties du corps à l'intérieur du livre, et t'es supposé pouvoir dessiner toi-même ton tatou sur ta peau, entre guillemets. Donc, on a une page avec une nuque, un coude et des trucs comme ça. Donc, allez voir ça pour les photos, mais t'es en train de dessiner des petites fleurs, des roses. Pour 15$, ce livre-là, chaque livre est composé de pages A5. A5, je crois que c'est plus petit qu'une feuille de cartable, il me semble bien. Je pense que oui. C'est par Sock UK. Ça s'appelle le Tattoo Art Drawing Notebook. 100 pages de photos par carnet. Chaque page est unique. Donc, il y en a que c'est des jointures, des épaules, omoplates, trucs comme ça. Créez vos propres designs. C'est fait avec du papier mât épais et de haute qualité. Voilà. Ensuite, c'est le Solar Powered Window Phone Charger. Pour recharger ton téléphone avec le soleil. Mettons, si tu vas en avion, par exemple, bon, tu utilises évidemment ton téléphone en mode avion parce que tu es en avion, là, mais tu veux recharger ta batterie pour qu'une fois arrivé, tu aies une batterie pleine. Ben, tu colles en fait la ventouse sur la vitre de ton avion et le Green Lightning va absorber le soleil pour recharger ton téléphone. Ça coûte 35$. Oui, c'est très, très cool. Ça coûte très cher. Hein? Non, absolument pas. C'est une batterie 2000 mAh, lithium-ion, qui va charger en 4 heures. Et ça vient avec la ventouse pour le monter sur une fenêtre. Évidemment, c'est pas obligé d'être en avion. Ça peut être n'importe où. Ça peut être en voiture. C'est ça. L'exemple était un avion. Ensuite, tiens, Dyson. Tu connais la compagnie d'aspirateurs et d'air ambiant et ventilateurs Dyson. C'est les aspirateurs qui peuvent faire tenir une boule à quilles. Oui. Dyson, DYSON, donc ils viennent de sortir, en fait, ils vont sortir un séchoir à cheveux qui s'appelle le Supersonic. Donc, ils sont bien connus, comme je disais, pour leurs aspirateurs. Ils viennent d'entrer dans un nouveau domaine, les produits pour la beauté. Donc, c'est le Supersonic Hair Dryer. Donc, c'est un effort de 4 ans qui a mené jusqu'à sa création. C'est beaucoup plus silencieux, on dit beaucoup plus léger que les séchoirs normaux. Donc, c'est comme un séchoir du futur. 4 ans de développement, 71 millions de dollars sur 4 ans pour fabriquer ce séchoir-là. Plusieurs spécifications. Après 600 prototypes, plus de 100 brevets, 103 ingénieurs ont travaillé là-dessus, ce qui explique le prix de $400 américains. Les séchoirs professionnels de salon de coiffure coûtent environ $300 américains. Ils ont augmenté le nombre d'hélices sur le moteur de 13 à 13 de 11. Ils ont réalisé que l'appareil générait des sons au-delà du son qui était qui pouvait être entendu par l'humain. Donc, en allant plus haut, il y a seulement les chiens qui peuvent entendre ce son-là. Nous, c'est comme un petit peu plus silencieux. Faut juste pas que vous ayez un chien. C'est l'idée. Ouais, mais c'est les chiens. Ils sont capables d'en prendre. Hein? $400 disponible chez Sephora à partir du mois de septembre. Ensuite, un barbecue pour les pauvres. Ça s'appelle le Pullman's Charcoal Grill. Oui, Pullman comme dans un homme pauvre, mais P-O, apostrophe, man. Donc, c'est un grill qui fonctionne comme n'importe quel autre, sauf que ça ressemble visuellement à une poubelle. Hein? Ah, ouais. Ouais, c'est ventilé par le bas. Il y a une plaque ronde, une plaque grillage rond, avec Flavor Lock Drip Plate, donc une assiette qui va récolter les déchets de votre nourriture. Et deux pics pour pouvoir faire cuire toutes vos viandes en même temps dans la poubelle. Et évidemment, ben, ça a l'air bizarre. Ça a l'air d'un fumoir. Mais avoue que ça a l'air vraiment très, très bon ce qu'il y a dans sa poubelle à lui. Pullman's Charcoal Grill. Ça dépend. Non, pour vrai. Pour vrai. C'est full kebab. Ensuite, c'est le Road Shower 2 pour ceux qui s'en vont en camping. Justement, peut-être que vous allez traîner votre poubelle avec vous pour faire du barbecue. Après ça, vous avez les mains sales. Ou peut-être que vous avez tellement mangé que vous êtes essuyé partout sur sa face. Faut que vous preniez votre douche, finalement. C'est ça que je veux faire. Je veux dire. Ah, OK. Vous preniez votre douche. Donc, le Road Shower 2 est là. Évidemment, quand on va en camping, c'est difficile de se laver. Oui. Pas de temps en temps. Se laver à des barbouillettes ou dans le lac, quelque chose comme ça. Donc, c'est un tube d'aluminium qu'on monte sur le toit de sa voiture. On remplit ça de 5 gallons d'eau. On ajoute un compresseur d'air pour avoir la pression ou une pompe à vélo. Et ensuite, on part en voiture, on conduit. Il n'y a pas d'appareil électronique, donc ça va réchauffer l'eau grâce à sa surface noire et la lumière du soleil. C'est comme ça qu'on réchauffe l'eau. Faut qu'il fasse soleil. Faut qu'il fasse soleil. C'est un bon point. L'écran LCD vous montre la température en Celsius et Fahrenheit et l'eau sort d'un jet avec pression, comme on l'a dit avec le compresseur tantôt, ou avec une hose, un spray, qui est parfait pour prendre sa douche, faire la vaisselle ou rincer votre planche de surf pour 300$. C'est le Road Shower sur roadshower.com. Ensuite, on va manger un petit peu avec les gaufres fourrées au chocolat belge. Mmh. En fait, je crois que c'est les gaufres qui sont belges et non pas le chocolat. Mais peu importe, hein, on peut faire les deux belges si on veut. C'est une infusion chocolatée pour votre déjeuner avec une variété de sauces et de condiments à l'intérieur de cette machine en fait que vous allez utiliser pour faire vous-même vos gaufres. Vos gaufres, pas vos crêpes, même tout le temps, c'est des gaufres. Donc, c'est un fini stainless steel en acier inoxydable. Ça vient avec des plaques qu'on peut enlever et nettoyer facilement. Et ça permet d'ajuster la température pour faire cuire à la perfection. Et ce que ça fait, c'est que tu peux faire... dans le fond, tu vas venir fourrer, littéralement, ton... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit. Absolument, voyons. Donc, c'est ça, c'est un grill à gaufres, c'est plus classique, sauf que tu peux venir insérer des... Il y a rien de plus classique que fourrer à gaufres. Ben oui, mais c'est ça. Dis-moi que t'as pas d'expérience là-dedans pour Mathieu les Mathieu Plante. Eh boy. On a beaucoup de candidats pour le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Et donc, les plaques sont enlevables. On peut mettre ça au lave-vaisselle. C'est interchangeable. Ça peut faire... c'est ça. Ben, vous avez compris ce que c'est. Vous pouvez fourrer à gauche. C'est ça, à gauche puis à droite. On peut fourrer à gauche puis à droite. À gauche puis à droite. Eh boy. Ensuite, c'est une montre suisse avec une goutte du plus vieux cognac au monde à l'intérieur de la montre. Tania. OK. Ah, c'est une montre fourrée à gauche comme à droite. C'est une goutte de cognac. Donc, c'est une compagnie suisse indépendante, Armin Strom et son horloger. On dirait que je pense que je suis devenu comme arabe. Donc, c'est un horloger. Quelqu'un qui s'occupe des horloges, comment on appelle ça? Un horlogiste? Horlogiste, c'est ça? Il me semble que oui. Bref, il s'appelle Claude Greisler. Comme Ford Greisler, Buick, GMC. Hey, mes blagues sont tellement mauvaises aujourd'hui. Donc, il a décidé que ce serait une bonne idée de convaincre les propriétaires de... Un horloger? C'est ça, c'est un horloger, c'est le mot que je cherchais. Oui. Il me semblait que ça n'avait pas de sens. Un horlogiste? Ça n'avait aucun sens. C'est un horloger. Merci. Il a réussi à convaincre les propriétaires de la plus vieille bouteille de cognac au monde, la Cognac Gaultier 1762, de se séparer de 40 gouttes de son contenu. Donc, chaque goutte a été insérée attentivement dans le mécanisme de cette montre, la Cognac Watch. Ça sert absolument à rien, sauf impressionner vos amis riches en leur disant qu'il y a une goutte de cognac qui est le plus vieux au monde. Il y en a 40 en tout de ces montres-là. On n'a pas encore de prix, donc quand on n'a pas de prix, c'est que ça va être aucunement abordable. Et ça va être vendu chez Basel World le 20 mars 2016. On la voit même pas, là. On la voit dessus? On la voit un petit peu. C'est ça qu'il y a dans le petit rond? Oui, à droite. Wow! C'est comme gravé en plus, cognac. 1762. C'est des gens qui ont vraiment de l'argent à lancer par les fenêtres. Mais t'imagines les déteneurs de cette bouteille-là, combien ils ont vendu les 40 gouttes? Ouais, imaginez combien ils vont pouvoir vendre le reste de la bouteille. Exactement. Aux enchères, plusieurs milliers de dollars. Ensuite, on change mais complètement de domaine parce que la personne qui va porter cette montre au cognac-là ne portera probablement pas ses sous-vêtements qui brillent dans le noir. Probablement pas. C'est pour montrer le système solaire avec ses sous-vêtements qui brillent dans le noir disponibles pour hommes ou pour femmes. Avec des étoiles, des planètes, des lunes, des astéroïdes qui nous rappellent l'espace et les autocollants qu'on mettait sur le plafond dans le temps et qui étaient difficiles à enlever quand quelqu'un déménageait. Hein? C'est pour être sûr que tu le perds pas. C'est ça. C'est comme, tu sais, quand tu fais la lune, c'est montrer tes fesses. Oui, when you moon ça. Someone. Fait que là, tu vas littéralement mooner quelqu'un. C'est clair. C'est incroyable. Mais c'est drôle, hein? Parce que si tu regardes les photos sur le site internet, le gars de dos, il a le système solaire, ses fesses, mais ça arrête deux coups secs à droite. Tout à fait. Je comprends pas, moi non plus. Il y a comme plus de système solaire. Il y a comme une courbe, ça arrête. C'est comme, je pense, un trou noir. Il aurait dû mettre le trou noir en plein milieu de sa crête des fesses. Ah, je sais, c'est drôle. On va rester sur le plafond, tu sais, parce qu'on parlait de petits autocollants qu'on mettait sur le plafond. Ici, c'est le Quilux Artificial Windows and Skylights. C'est, dans le fond, c'est un faux toit. Tu vois, sur les photos, il y a un toit qui monte le ciel. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est comme artificiel, tout ça. OK. Hein? Donc, Coelux Artificial Window and Skylight a utilisé une nanotechnologie pour créer une influence précise par rapport à l'atmosphère et la luminosité, une variété de lumière LED pour envoyer une lumière similaire à celle du soleil. Donc, c'est une installation qui s'installe sur n'importe quel plafond, n'importe quel mur qui est assez large, et ça va imiter la profondeur et l'apparence d'un ciel bleu clair et du soleil à la distance. Donc, la luminosité directionnelle est constante par rapport à l'idée d'une seule source de soleil. Donc, le soleil va envoyer sa lumière avec la journée qui va avancer, ça va changer de place dans la pièce. Et ça va être fixé à 45 ou 60 degrés, dépendant du modèle. Et on peut acheter ça sur coelux.com, coelux.com, sauf qu'il n'y a pas de prix. Donc, comme on l'a dit, quand il n'y a pas de prix, c'est que c'est cher. C'est que c'est très cher. Leur slogan, c'est « Experience the Sky ». Pour ceux qui ont peut-être un demi-sous-sol ou un bureau... avec pas de vitre vers l'extérieur comme nous, on a une baie vitrée qui mène vers un corridor gris. C'est vraiment la belle vie. Mais on pourrait s'ajouter ça. On serait content. Avec le budget qu'on a pu depuis qu'on a vendu notre. C'est vrai. Et qu'on a mis debout. Ensuite, c'est C-Note E-Paper Sticky Note. C'est comme des notes post-it, on va le dire, mais électroniques. OK. Hein? Donc, c'est intelligent. Parce que tout est intelligent de nos jours. C'est des petites notes numériques. Toujours lisible avec son écran e-paper, un peu comme les Kindle d'Amazon. C'est de l'encre électronique, c'est pas du LCD. Donc, ça dure des mois et des mois. Ça se connecte via Wi-Fi, vous permettant de puiser les notifications du calendrier de votre téléphone, recevoir vos messages par courriel, la météo, le trafic. Et puis, à la place d'avoir une alarme vraiment dérangeante, le No-Glow, c'est le nom du produit, K-N-O-W-G-L-O-W, va attirer votre attention par une petite bande de lumière LED. Ça fonctionne par une pile lithium-ion rechargeable et le C-Note peut durer jusqu'à un mois sur une seule charge. Et il y a une bande 3M intégrée collante pour pouvoir... Tu sais, 3M, c'est la même compagnie qui fait les post-it à l'origine. Ouais, c'est ça. Que tu peux coller sur le mur et que ça tient plus longtemps qu'un post-it en tant que tel. Donc, ça laisse aucun dommage derrière et vous pouvez changer ça de place une fois de temps en temps. Vraiment comme des post-it intelligents, transportables, portatifs, c'est super cool. C'est génial. J'adore. C-Note. Ensuite, si vous êtes français, oui. Hein, vous avez toujours sur vous votre pain-baguette. C'est connu? Ça, c'est si on se fie à ce que tu disais tout à l'heure. C'est un rappel de tantôt. Oui, c'est du racisme. C'est de la généralisation selon Antania. Et c'est de la réduction à une seule fonction par race. Selon Mathieu. Donc du racisme. C'est un pain-baguette, mais que tu peux transporter dans ton sac à dos. Parce que c'est un sac à dos pour pain-baguette. Mais c'est vraiment cool. En forme de pain-baguette. C'est parce qu'en fait, je pense qu'en France, les pain-baguettes, ils sont pas vendus dans du papier comme ici. Hein? Ils sont vendus dans un sac à dos, c'est ça? Non, ils sont vendus comme ça. Ah, comme dans ta main? Ouais, c'est pour ça. Oh. Sont-ils pré-beurrés? Non. Okay. Je sais pas, ça aurait pu. Ils auraient pu te le mettre directement dans la bouche aussi. Hein? Donc, le baguette bag, 55$ pour savourer votre pain frais. Oui, je sais, 100% coton, le sac pas le pain. Le sac mesure 21,6 pouces de long. Il vient avec une bandoulière. Une strap. Je voulais pas utiliser le mot strap. Hein, sinon, j'aurais juste dit strap. C'était marqué ça dans l'article. Pour transporter facilement votre baguette de pain. Vous pouvez voir les photos. Ça a l'air super classe. Sinon, tu pourrais avoir l'air d'être en train d'aller faire un sport, peut-être du cricket ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a un petit bâton là? C'est large. Là. De l'arc à flé. Toutes les gars. Si t'as bien compris ce que j'ai dit, moi j'ai dit de l'arc à flèche. Ah, de l'arc à flèche. J'avais. Tire à l'arc, genre. Aucune joke à caractère sexuel. Ok, là-dessus. Excuse-moi, celui-là. vous pouvez voir qu'elle est ouverte juste le bout. On dirait qu'il est comme genre, est en train de circoncire la baguette. Je peux arrêter quand le bout. T'es allé plus loin que moi, finalement. Ensuite, ça déraille. Le Igloo Trailman Cooler. C'est un cooler, mais encore plus hot qu'un cooler. Si vous voulez faire la fête sur la plage, vous allez avoir besoin d'un cooler, bien sûr. Clairement. Hein? Clairement. Mais ici, à la place d'avoir à le transporter à plusieurs, et tu sais, c'est lourd des fois un cooler s'il y a beaucoup d'alcool là, beaucoup de glace, c'est le Igloo Trailman Cooler qui, lui, va avoir des roues un peu comme sur une barouette. Hein? Et 10 pouces de clearance, 10 pouces de chaque bord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça permet à une seule personne de tirer le cooler jusqu'à sa destination. On peut mettre 112 bières dedans. Oui, c'est beaucoup. 112. C'est isolé à l'intérieur, donc ça va durer jusqu'à 4 jours. C'est ça la particularité de ce gadget-là. C'est que non seulement c'est portatif sur roue, en plus, ça dure 4 jours pour 112 bières. C'est pas pire, ça. Hein? 300$ pour le Igloo Trailmate Cooler. Ensuite, on a tous déjà vu les bébés qui portaient un habit balai un peu pour passer le balai ou faire les poussetages. On a tous vu ce gag-là. Et ben on l'a sorti pour les humains aussi, en pantoufles. un peu comme le Baby Mop, mais à la place, c'est pour les humains. Je pense que les enfants sont aussi humains. C'est pour les adultes ou les personnes de grande taille. Hein? N'importe qui, finalement. Le Floor Cleaning Slipper. Donc, c'est des pantoufles avec une microfibre en dessous qui ramasse la poussière et les débris alors que vous marchez. Évidemment, ça ne fait pas les coins. Ça ramasse pas les gros paquets de poussière. Mais bon. 5$ pour une paire. Pourquoi ne pas en acheter une? Par contre, alerte au sexisme, comment? On est comme on disait. Ça vient seulement en format de fille 6 à 9. Aha! Ensuite, tiens, si t'habites dans l'appartement et que t'as... Moi, quand j'ai magasiné mon appartement, parce que oui, je déménage comme à chaque année. Oui. Hein, j'aime pas les galeries qui sont côte à côte et qui ont pas de milieu de séparation. C'est vrai. J'aime vraiment... Moi, je sortirai jamais sur ma galerie s'il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre sur la galerie de chaque côté puis qu'on se voit. Je sortirai jamais, jamais. Tu veux pas voir tes voisins. Jamais, jamais. J'aime pas ça, socialiser avec des voisins. Parce que tu sais mais mets un mur de plantes. Ben, c'est comme si tu lisais dans mes pensées ou que t'avais ouvert le lien. Donc, le Privacy Painter, c'est des plantes verticales. En fait, c'est un rack à plantes en bois. C'est fait... C'est fait de bois. C'est marqué que c'est fait en eucalyptus. Est-ce que c'est une sorte de... T'as pu-tu, ça? En eucalyptus? Non, l'eucalyptus, c'est une plante. Ça doit être les plantes qui sont à l'intérieur. Ouais. Ça doit venir avec, bref. Vous plantez vos fleurs et les herbes dans 5 cubes, si on veut, de bois. Et soudainement, ça vous donne un mur pour ajouter à votre vie privée. Tu peux en mettre plusieurs côte à côte pour créer une clôture aussi. Et ça a moins l'air sauvage que de faire poser une clôture entre toi et ton voisin. Hein. C'est vrai. Parce que là, t'installes des plantes. C'est juste beau. Puis ça donne que ça te cache. Hein? C'est merveilleux. Poursuis-moi. T'sais. Ensuite, est-ce que tout est intelligent? On l'a dit tantôt. On était rendu avec qu'est-ce qu'on avait tantôt d'intelligent? Un toit intelligent? On avait des post-it intelligents. Maintenant, votre rafraîchisseur d'air est aussi intelligent. Ouh là là! Ah oui, ah oui! Donc, des fois, peut-être que votre bureau sent mauvais, peut-être que votre collègue met trop de parfum, peut-être que son désodorisant ne va pas pantoute, je trouve. Quelque chose du genre, hein, ça peut arriver. Donc, le Cyrano, c'est un cylindre argenté qui est à peu près de la demi-hauteur d'une canne de coke et à peu près un pouce plus large en termes de... Comment t'appelles ça? De circonférence. Oui, excuse-moi, c'est vrai... Si on veut savoir l'argent de quelqu'un, c'est Tania qui va pouvoir vous dire la circonférence de quelque chose. Hein? De quoi qu'on parle? Je sais pas. Donc, c'est fait d'un aluminium brossé avec un couvercle pour pouvoir squirter 12 différentes odeurs dans les airs. Cyrano sait quelle odeur squirter en se connectant à votre appareil iOS via Bluetooth et en suivant les instructions d'une application qui s'appelle O-Notes. Et on peut en acheter un en ligne pour 149$ chez Vapor Communications. Il y a plein d'autres détails sur assemblagerequis.com. Entre autres, tu peux jouer une mélodie de une mélodie d'odeur, de fragrance. C'est vrai. Donc, tu peux avoir noix de coco. Il y a suntan, bronzage. Bronzage. L'odeur du bronzage. C'est peut-être que ça sent un petit peu le plouche-plouche. Le plouche-plouche. À bronzer. Tu trompes d'effet sonore, le plouche, puis le pouche. Chaque odeur de Cyrano va durer 35 secondes. Donc, ça envoie pendant 35 secondes. Ensuite, tu as 22 secondes pour inspirer ça. Et ensuite, tu es supposé calmer ton nez. Après ça, ça repasse avec une autre fragrance. On peut ajouter ou enlever n'importe quelle odeur, dépendant de ce que vous voulez sentir. Il y a plein d'options, donc ça s'appelle le Cyrano, C-Y-R-A-N-O. Clairement appelé pour le nez de Cyrano de Bergerac. Tellement. Ensuite, c'est bravo, oui. Drop le micro. Pou-pou, comme Obama. C'est ça, plouche, comme t'as ça. T'as fait en même temps que moi, tu sais. Wow. Voilà, imagine, j'ai droppé. Imagine si tu l'avais fait sur le micro magique, comment ça aurait encore plus. Ça aurait été malade. Ensuite, le Muse, c'est un bandeau qu'on porte sur la tête qui va vous aider à méditer. C'est apparemment pour vous empêcher de stresser. Là, c'est donc un bandeau équipé de sensors qui va lire l'activité dans votre cerveau et va déterminer si ça va vous guider en fait vers un état méditatif plus profond, lorsqu'évidemment accouplé avec une application pour téléphone intelligent. Donc oui, ça lit dans votre tête et ça vous rend plus relaxé, ce qui est quand même ironique parce qu'il me semble que dans ma tête, c'est pas tout le temps super zen. Non, hein? Donc, ils ont essayé le Muse au South by Southwest. C'était un petit party de start-up. Il y avait beaucoup de gens, il faisait super chaud, disent-ils, chez macworld.com. Donc, l'endroit parfait pour essayer de méditer. Donc, ils ont attaché leur bandeau sur la tête. Les sensors ont fait contact avec sa peau. Et il a dû tasser quelques poils, quelques cheveux pour que ça fonctionne. Et ensuite, il a mis une grosse paire d'écouteurs pour aider les cues, pour aider à entendre les cues qu'il y a dans l'application. Donc, ça envoie des sons dans les écouteurs. J'imagine que c'est des écouteurs qui bloquent le son, ça va aller encore mieux. Et donc, le processus de calibration était quand même assez simple. Il fallait relaxer. Ensuite, on demandait de penser intensément, de faire une liste dans sa tête. Par exemple, il y avait une liste de policiers américains ou une liste de différentes langues pour pouvoir comprendre comment ton cerveau pense et comment il pense quand il est actif et calme. Et ensuite, il fallait sélectionner des sons à écouter pendant un essai de 2 minutes. Il a choisi des sons de rivière. Après ça, il a essayé de méditer. Je vais aller sur la conclusion. Donc, il dit que ça pourrait être un outil utile pour ceux qui méditent déjà, mais ceux qui ne méditaient pas avant. C'est peut-être pas une bonne façon de commencer à faire de la méditation et peut-être ne pas le tester devant une grande foule comme au South by Southwest. 300$ pour le Muse. C'est très beaucoup cher. Pour relaxer. On revient aux sous-vêtements. Tantôt, on avait des sous-vêtements qui brillaient dans le noir. Cette fois-ci, peut-être l'avez-vous vu passer sur Facebook. Oui. C'est, je ne même pas je te dis qui m'a montré ça. Est-ce qu'il a dû descendre les pantalons pour te le montrer? Non, okay. il en voulait. Ah oui, ben oui, c'est ça. Bref, c'est le célèbre sous-vêtement Boxer Brief avec un nez de loup à la place de votre embout masculin. Donc, c'est 22$ pour un emballage de 3 pour avoir la tête d'un loup imprimé sur votre entrejambe. Voilà. Pourquoi pas? Design convexe, grand, espace large et qui respire bien. Qui respire bien. Oui, le tissu, évidemment. Oui, de haute le qualité, nez du loup. Fait à la main. Cadeau parfait pour copain, mari ou ami pour faire une blague, j'imagine. Design taille large qui va rendre l'homme confortable sans se sentir serré. Et le loup est imprimé en 3D. Donc, j'imagine que ça veut dire que peut-être que le nez a une petite bosse. Peut-être que c'est pas juste du tissu. Oh là là! C'est ce que j'en comprends par 3D. C'est des mensonges, mesdames! C'est marqué 3D Wolf Pattern. Donc, vous pouvez analyser ça et voir ce que vous en pensez. Ensuite, pour les nerds, les geeks, dépendants, si vous jouez à Donjons et Dragons, vous avez déjà des dés à 20 côtés. Oui. Maintenant, il y a un dé à 120 côtés. C'est le mathématicien franco-belge Eugène Catalan qui a sorti le concept du dé Dysdiakis Tricon Taédron, ou le dé à 120 côtés, il y a plus de 150 ans. En théorie, c'était le dé le plus juste possible, mathématiquement parlant. Hein? Donc, sa théorie est devenue une réalité grâce au talent et aux efforts de Robert Pfaffauer, Robert Bosch et Henry Sigerman, qui ont créé le premier vrai dé 120. Donc, c'est avec The Dice Lab qu'ils ont travaillé pour réussir à le rendre disponible sur le marché. Ils ont aussi fait une vidéo sur le dé 120 pour montrer la logique mathématique et la magie derrière, pour voir vraiment, pour comprendre que c'est vraiment le dé le plus juste possible. Ça coûte, pour un emballage, un ensemble de 5 dés 120, entre 12 et 50$, dépendant d'où vous le magasinez. Entre autres sur mathartfun.com. Mais quand tu le lances, là, comment tu sais sur quel chiffre t'arrives? Très bonne question, ça. Une excellente question. J'imagine le côté qui est le plus... ouais, sur la photo, c'est pas super clair, hein? Même pas dans la vidéo. Parce qu'en tant que tel, il est supposé avoir un côté qui est plus plat que les autres. Donc, il est comme vraiment à l'horizontale par rapport à la table. J'imagine que tu dois y aller en y touchant, peut-être. Parce que les côtés sont tellement proches les uns des autres que j'avoue que c'est difficile à déterminer. Mais je pense que sur le premier dé, le noir, je crois que c'est le 11. Je crois que c'est le 49 sur le rouge. Fait que je pense que c'est quand même... En 3D, c'est sûr qu'en 3D, en l'arrière devant nous, on va voir plus la profondeur. Ouais, sûrement. En photo, c'est aplati. On peut pas vraiment faire la... On n'a pas la même compréhension des profondeurs en 2D, mettons. C'est comme le loup. Il a l'air plus gros dans le miroir. Ensuite, la saison électorale est parmi nous, hein, aux États-Unis, depuis genre un an et demi, et pour encore un an environ. On a le processus électoral sans fin aux États-Unis. Donc maintenant, c'est des masques déjà qui sortent à l'avance, ou peut-être en retard pour l'Halloween passé, parce que pour vrai, on a comme 3 ans d'Halloween avec ces candidats-là. Donc, Hillary Clinton, Bernie Sanders et Donald Trump en masque, mais qui ont l'air assez en latex, on dirait. C'est vrai, hein? Ils ont vraiment l'air réalistes. Donc, Lennon Meyer, l'artiste, qui amène ses masques un petit peu épeurants pour le Monster Palooza de cette année. Donc, c'est les candidats présidentiels aux États-Unis. Ils n'ont pas fait Ted Cruz. Ils n'ont pas fait John Kasich. Ils ont juste mis les premières places et deuxième places du côté des démocrates. Bref, c'est ça. Pas grand détail d'autre que ça, mais pour vrai, t'as vraiment l'impression que c'est la face d'Hillary qui a juste été un petit peu étirée. Là. C'est vrai. C'est vraiment trop réaliste. Allez voir ben, ça sur il faut dire que le gars qui porte le masque est déjà un petit peu plus bâti qu'Hillary. Oui, et l'autre, Bernie Sanders, a une poitrine. Fait qu'ils sont tous pas du même type. C'est vraiment troublant à quel point, genre, Bernie a l'air vrai. Comparé la aux deux face. Autres, oui. Si Bernie a l'air de ça en dessous du menton, tu sais, il pourrait gagner ses élections. Yeah. Facile. Ensuite, le snowpad d'une motoneige futuriste. Cette moto-là n'est pas tout droit sortie de James Bond, comme nous dit ArticleForce.com au début de chacun de ses articles en faisant référence à des films. Ça s'appelle le Snowpad, confectionné par Joey Reuter. Prototype noir et tout en angle, très fin, 15 cm de large pour près de 2 mètres de long. Ça ressemble, je te dirais, à une PlayStation 2 ou quelque chose, une console de jeu, on dirait. Ben, ça un va être une console d'ordinateur. Une console d'ordinateur. Tu mets des mots ensemble qui n'ont pas rapport. Une tour d'ordinateur. Une tour d'ordinateur. OK, OK. Un module, quelque chose genre. Donc, c'est fabriqué en aluminium et en matériaux composites. Le Snowpad, qui ressemble à une version améliorée, nous dit-on, du vaisseau de Rey dans Star Wars, le plus récent, dispose d'un moteur de 90cc. Alors, on peut voir l'engin en mouvement sur assemblagerequis.com. Une vitesse maximale qui n'est pas précisée. Le studio J-Router ne parle pas d'une éventuelle commercialisation pour le moment. Mais c'est vraiment, vraiment bizarre parce qu'on dirait que tu es en train de conduire une trappe d'aération. C'est vrai. Tu sais, je comprends pas l'intérêt côté visuel. Moi non plus. Mais bon. Ensuite, on réinvente l'alimentation en se calant sa bouffe. Je crois que ça pourrait t'intéresser. C'est le genre de choses que je trouve qui a l'air cool pour ceux qui regardent ce qu'ils mangent. Hein? Donc, on a beau en savoir toujours un peu plus sur l'impact de notre alimentation sur notre santé, on ne dispose malheureusement pas jamais assez des informations les plus pertinentes, nous dit Branchez-vous. Donc, l'innovation qui pourrait grandement vous faciliter la vie, c'est le numériseur de bouffe TelSpec. Donc, il est désormais possible de scaler sa nourriture pour savoir ce qu'elle contient au milligramme près. Peut-être qu'on a déjà des informations indiquées sous les aliments, sous les emballages, mais pas tout le temps. Ces produits, des fois, sont transformés. On dit, bon, il n'y a pas la dose de gras, de sel, de vitamines par rapport à certains de ces aliments-là. Les étiquettes sont formatées, ne permettent pas de calculer rapidement ce que vous pouvez ingérer ou non en fonction de votre poids, de votre taille, de votre santé, etc. Donc, pour répondre à tout ça, il y a un spectromètre TelSpec. La moitié de la grosseur d'un téléphone intelligent, c'est grâce à la miniaturisation des principales composantes qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure. Le système de TelSpec se compose de trois éléments, le numériseur, une application Android et iOS et une banque de données en ligne. Le capteur du spectromètre transmet de la lumière dans la nourriture, ce qui est totalement inoffensif, et calcule ensuite le nombre de photons qui lui sont renvoyés. En faisant ce simple décompte par longueur d'onde, l'application crée un spectrogramme qui est ensuite interprété par la banque de données en ligne. Et à chaque nourriture correspond un spectrogramme précis. Et aussitôt analysé, les résultats sont renvoyés vers le téléphone émetteur en moins de 3 secondes. Wow! Les résultats affichés sont affichés sur votre téléphone. Sont des graphiques très simples et clairs. Ça permet une compréhension rapide et des réactions rapides visant à corriger le tir ou à éviter une catastrophe gastrique. On retrouvera la somme des glucides, des protéines et des gras pour une dose donnée. Et est-ce que le prix? Oui, 399 $. Oh, voilà. Et c'était prévu au début à 320, mais ils ont augmenté le prix avec le temps. On espère donc que l'accès, c'est pas mal ça. Pas mal ça pour cet article-là. Il y a beaucoup, beaucoup de détails de plus. Allez voir sur assemblagerequis.com. On parle souvent de hamac à l'émission. Mm-hmm. C'est comme un thème récurrent depuis toujours. Et cette fois-ci, c'est un hamac géant pour jusqu'à 5 adultes. C'est cool. Hein? Une fois qu'on a vendu les chaises et les tables, oui, on pourrait s'acheter juste un hamac. C'est Hammacker Schlemmer qui vend ce gigantesque hamac pour 500 $. Selon le site du produit, ça peut contenir une gang d'enfants, 5 adultes qui pèsent en moyenne 200 livres ou une gigantesque personne. C'est ce que ça dit dans l'article. Ils ont vraiment écrit ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand d'autres détails que ça. Hammackerschlemmer.com pour l'acheter 500 $. Vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon en ce moment. C'est ça. Ensuite, ceux qui veulent décorer avec des plantes, on a parlé tantôt d'un mur de plantes. Ici, c'est des plantes qui se collent avec ventouse sur vos fenêtres. Ça a l'air vraiment cheesy. Vraiment cheesy. Donc, ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie d'avoir un jardin, mais qui veulent pas non plus avoir à tout le temps mettre la plante proche de source du soleil, Caroline, la fenêtre est là, aussi bien de mettre directement dans la fenêtre, hein, à la place d'avoir à penser. Hein. C'est vrai. Donc, les Leafy Planters qui sont présentement sur Kickstarter se collent à n'importe quelle vitre, acceptent bien sûr le soleil entrant. Et si vous avez... c'est collant, ça s'attache à n'importe quel type de surface, pas juste la vitre. En passant, ça peut être sur le réfrigérateur, ça pourrait être sur les murs, dépendant de la luminosité, du type de plante. La structure est basée sur la nanotechnologie encore, donc ça ne laisse pas de résidus lorsque vous enlevez le pot. Et selon la compagnie, ça peut être collé et décollé plusieurs fois sans perdre le pouvoir d'adhésion. Les Leafy Planters, ça peut contenir 10 onces, donc un petit peu plus qu'une tasse de café environ. Et puis, on peut mettre un petit pot dedans ou directement mettre la terre dans le pot. Ah. Un seul pot pour 12 $ sur Kickstarter. C'est bien, c'est bien. C'est quand même pas si bien. Et on va terminer avec... Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une plug qui coûte 60$ qui va redémarrer votre routeur à distance. Ah ouais? Tu sais, des fois, quand t'es dans le salon, ton Wi-Fi marche pas. Faut que t'ailles dans le bureau ou peu importe ailleurs, au deuxième étage, pour redémarrer le modem. C'est plate, puis ça arrive souvent. On n'a pas beaucoup de compagnies de câbles de distribution ou d'Internet en ville, puis ils sont tous pareils. Faut tout le temps redémarrer le modem. Bref, c'est vraiment cool, ça s'appelle le Reset Plug, selon The Verge. Ça coûte 60$, c'est une plug intelligente qui va donc se brancher dans le mur, et vous branchez le routeur dans le mur, votre routeur modem Wi-Fi ou peu importe, et quand la connexion fonctionne mal, le gadget va constamment tester ta connexion Wi-Fi, et à la place d'avoir à toi-même te rendre compte que ça marche pas et dire « bon ouais, je veux que tu redémarres » puis appuyer sur un bouton, à la place, ça va comme comprendre tout seul, et ça va redémarrer le courant à chaque 5 minutes jusqu'à temps que la connexion soit de retour. C'est vraiment intelligent. Très fort. Reset Plug, ça coûte 60$ sur le site resetplug.com, RESETPLUG.com. Voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Il nous reste juste assez de temps pour faire notre dernière chronique parce que dorénavant, pour ceux qui nous écoutent le mardi en direct, on termine à 17h. On recule d'une heure pour jusqu'à nouvel an, finalement. Ouais. Donc, dans quelques instants, une grosse pointe en dresse. Avant ça, une autre pièce musicale. Tania, c'est celle de You Say Party. Oui, c'est Ignorance. Tout de suite, sur C'est fou. 89 ans. FM. C'était You Say Party avec la pièce Ignorance à l'assemblage requis. Autour de la pause, c'est enfin une grosse pointe à l'adresse. C'est yeah! Ah. Ouais, elle a l'air plus excitée que ça, quand même. Ah, excuse. Ah! Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1 Toujours à Assemblage Hockey pour la semaine du 2 mai 2016, toujours avec Tania Baudin. Et avec Mathieu Plante. Absolument, absolument. Mathieu, comment? Plante. J'ai entendu Plank. Non, j'ai dit Plante. C'est pas Plank. Il faut que tu débouches tes oreilles une fois de temps en temps. Faudrait, hein? Ouais, vraiment. Une fois par 2-3 ans, après. Ouais, c'est... maintenant, tiens, on est rendu presque à la fin de l'émission. Il nous reste un petit peu plus d'une demi-heure. C'est pas mal le temps que j'adore à la fin de l'émission pour pouvoir manger, goûter quelque chose qu'on a acheté en magasin, à l'épicerie au départ. Que tu as acheté en magasin? Ben, c'est souvent moi. Là. Je trouve que tu fais un petit peu moins ta part. C'est vrai, hein? Ça fait longtemps que j'ai rien amené. Je pense que depuis septembre, t'as amené comme deux affaires. Est-ce que t'as vu l'oiseau qui est venu se fesser la face? Ben, c'est ce qu'on mange aujourd'hui, Tania! De l'oiseau! Pas encore déplumé. On n'a pas d'argent, fait que c'est rendu que je prends ce qu'on a en nature, Colin. C'est ce qu'on appelle une grosse pointe tendresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la crêpe dans laquelle on goûte à un produit acheté en magasin. Oui, je l'ai dit, mais un produit de malbouffe, que ce soit donc à quelque chose à boire, quelque chose à manger, quelque chose à regretter certainement parce qu'on prend du poids dans les épaules, surtout que ça s'en vient, c'est ça? T'as du poids dans les épaules? Non, c'est ma clavicule qui fait mal. Ah, ta clavicule. Les gens qui étaient avec nous la semaine passée se rappellent que ta clavicule ne va pas bien. Non. Mais les gens veulent savoir si ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Okay. Ça fait pas des mouvements très, très normaux encore, mais ça va bien. Bon. On te souhaite un prompt rétablissement sur une longue échéance, parce qu'à là, c'est pas mal longtemps. Ouais, je sais. Permettez-moi de sortir le produit qu'on a goûté aujourd'hui. Et, ouais, t'as pas dit qu'on allait tartiner et squirter, là? Ben, j'ai dit en début d'émission, si vous étiez avec nous il y a peut-être 2h30 environ, j'ai dit que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais essayé avant. Ouais, c'est vrai. On a souvent on a essayé des gommes, on a essayé des biscuits, on a essayé des bartons, chocolat. Chocolat, chips, peu importe. Des affaires faciles à manger, des affaires que ouais. Tu ouvres le sac, tu manges. C'est vrai. J'ai vu passer sur Facebook et peut-être l'avez-vous vu aussi. Quelque chose qui se goûte difficilement à la radio, mais qu'il fallait qu'on l'essaye. Ah non, j'ai peur, je sais même pas. Non, elle a pas peur, c'est super simple. C'est juste que ça fait bizarre à la radio. Tu un me peu. Sors un rush, ça. C'est l'oiseau de tantôt. C'est est-ce que t'es sérieux? Je le sais que ça n'a pas d'allure, je le sais. Mais je veux faire quelque chose de différent. T'sais. OK, mais donc, on va le goûter de même, là. Non, j'ai amené des chips pour tremper. Mathieu est du genre à manger ses chips normales avec du ketchup. Pas tout. Pas, OK, on va remettre en contexte. On va goûter aujourd'hui le nouveau ketchup au sriracha, OK? OK. Présentement, il y a le ketchup au sriracha. Il y a aussi la moutarde Heinz au jalapeno. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Je ne savais pas lequel essayer. Moi, à mon épicerie, il y avait seulement le ketchup sriracha, donc j'ai pris ça parce qu'il y avait juste ça. On s'entend. OK. Et oui, j'avais pensé au début de l'émission à aller chercher des frites. Pain, des frites. Pain. Ben, je sais pas. Non. OK, des frites, ouais. Un c'est morceau de carton au ketchup, je pense qu'on mangeait au primaire, ça. De feuilles de carton. Bref, qu'est-ce que tu manges? Je sais pas. De l'oiseau et des feuilles de carton au ketchup. Je vais aller chercher des chips à la cafétéria. Pas des chips, des frites à la cafétéria. Oui, mais c'est fermé. C'est fermé. Mais oui. C'est ça. Fait que, malheureusement, je suis allé chercher des chips à la place, mais j'ai essayé de prendre les chips les plus naturels, les plus natures possibles. Des chips croussés original Old Dutch. Je sais que ça allait faire la job. J'ai pas pris de saveur. Ça va? J'ai comme vraiment l'impression que ça va être épicé, cette affaire-là. Le sriracha, ben c'est pour ça que les chips, s'ils étaient épicés, ça serait bizarre. Mais là, le micro magique, ça va pas super bien, hein, pour ce... Ah, mais c'est là que tu te trompes! C'est là que tu te trompes, parce que... Ouais? Tu vas pouvoir premièrement enlever le bouchon. OK, c'est bon. Tu vas pouvoir enlever le petit capuchon de plastique qui est tout le temps gossant à enlever puis qui casse tout le temps au mauvais endroit. Puis après ça, tu vas pouvoir, quoi? Squirter sur une chip. C'est ça qu'on veut que tu fasses. Je savais que c'est ça que tu voulais que je fasse. Pas le choix, pas le choix. Donc, je te lance le sac de chips, OK, pour commencer. Que tu peux ouvrir dans le micro magique si tu veux aussi. Le ketchup, par contre, je vais plus te le donner. Je vais te le lancer. C'est un petit peu gros, là, ça. Voilà. C'est donc le ketchup au sriracha qu'on va. Bon, on ouvre le sac de chips, là. Un classique. Là, jeune demoiselle à ma droite, il faut pas que tu parles, sinon on va t'entendre vraiment beaucoup. Regarde, c'est ce qu'elle fait, voyons donc, c'est une artiste. OK, fait que là, tu veux que j'ouvre ça? Je t'ouvre. On t'entend, là. Prends l'autre micro, Lintan. Prends l'autre micro, ce serait drôle, Lintan. Come on, Lintan! Ah ouais? OK, on a ouvert le... Je t'écoutais même pas, j'étais préoccupé. Ça sent le... Le sriracha, je t'ai dit. Ben, ouais, le ketchup. Mettons-le. Je trouve que ça sent la pâte à tomate vraiment beaucoup plus que le ketchup. Oh, ça a levé le cœur de Lintan qui le dira pas, mais. Liche, liche, liche. Non, jamais. Il y a comme un. Ah, ok, non, c'est normal. C'est pour empêcher que ça dégouline quand c'est tu le mets le l'envers. Squirt. C'est ça, Tania, tu sais, quand tu mets l'envers, des fois, ça dégouline. Ah, mais qui dis-tu? Faut que tu. Oh non, j'ai échappé le chip. Mathieu, tu veux-tu que je t'en squirt? Il se fait vraiment exprès pour rendre ça obscène. J'aimerais te donner la plus grosse chip. Tu vas me squirter ça le plus uniforme possible puis me passer ça sur... Ah, tu veux que je t'en mette partout. Mais là, faut bien goûter, là, come on. Il y a un trou dans ta chip. Mais prends-en une qui n'a pas de trou, franchement. Un peu de respect, là. Oh! Squirt dans le micro magique, un peu. Ben, ça m'a squirté dessus, là. Fais attention à ce que tu fais. L'autre, ben, tu sais, premièrement, vise pas vers ta veste. Vise à l'extérieur. Ah, c'est pas ce qu'elle fait. J'ai toutes les mains pleines de ketchup au sriracha. Je vais mourir épicé. C'est l'affaire la plus longue que j'ai vue de ma vie, mettre du ketchup sur une chip pour toi. Mais c'est ce que moi, j'en mettrais pas autant que ça, là. Tu tiennes l'embout, puis tu déroules. Non, excuse-moi. Mais Mathieu, est-ce que t'en veux plus que ça? C'est assez. Ok, c'est ça, je me disais. Une fois que tu t'es mis les doigts dessus, là, c'est bien en masse. Merci, Tania. Quelqu'un qui écoute ça sans savoir qu'on est en train de tester du ketchup. C'est une récompense! Les gags obscènes, c'est des récompenses. Pose des questions à ta barouette. Ok, ah ouais, jigue-toi ça dessus, là. Je vais en mettre beaucoup moins que toi parce que moi, l'épicé, non. Ça me fait peur. Ben moi, je vais sûrement avoir des boulements de sommeil, je m'attends à ça. On l'entend pas, là. Ah, oh, voilà. Ah ouais. Ouvre-toi, guéris la bouche. Sors-toi ça. Assure-toi de mettre la langue directement dessus aussi. Ça a fait un beau petit son, hein? Moi, je goûte juste au ketchup pour commencer, ok? Avec mon doigt, pour être sûr de ne pas avoir la saveur de chip dessus. Ok, je me trempe le doigt dedans. C'est ça. Et je fais un mouvement de va-et-vient. Non, on dit rien, là. Go, dans la bouche. Elle tartine tellement, elle veut qu'elle naille partout, hein. Oh, c'est pas super. Je croyais que ça allait être plus épicé que ça. Hey, c'est pas épicé, mais c'est un petit goût, hein. Plus tomaté encore que d'habitude. Avoue, c'est ça, on dirait que c'est de la pâte de tomate à la place du ketchup. Ben, c'est pas mauvais pantoute, ça. Mais essaye directement avec la langue. Elle est pleine dans la main. Ça goûte quasiment. Hey, on dirait de la sauce à spaghetti, on dirait de la sauce à pizza. Ouais. Tu sais, la sauce à pizza, un petit peu épicée dedans. Écoute. Tu sais, genre. Essaye-le avec ta chip, c'est plus épicé. Ok, j'essaie. Hum. Trouves-tu? Oui. Oui, c'est un petit peu épicé. Oui, tu sens en gorge. On dirait qu'on le sent plus sur quelque chose que le ketchup tout seul. C'est drôle, mais j'aime mieux ça. J'aime mieux le ketchup sriracha que la sauce sriracha avec le petit coq dessus. Ouais, moi aussi. C'est vraiment très bon. Je suis surpris, je m'attendais à ce que ce soit comme du ketchup qui goûte pas grand-chose de plus. Comme d'habitude, quand il y a une saveur de sriracha, c'est pas nécessairement super plus que d'habitude. Mais c'est vrai, t'as bien raison. Merci beaucoup, Lintan, pour les essuie-tout. Service aux tables. Service aux tables. Elle parle pas, mais elle nous ramène des essuie. Donc, moi je mets mon pouce en l'air, pas trop profond. Moi aussi. Mais quand même, j'aime ça. Maintenant, nouvelle de fast-food, tout le monde. Nouvelle de fast-food. Commençons avec un McDonald's qui va servir des frites à l'ail. Des frites à l'ail. C'est une offre régionale, bien sûr, comme la plupart des affaires que vous lisez sur Internet ou ailleurs, que vous pensez que ça s'en vient, c'est pas nécessairement le cas. Donc, les frites à l'ail dans San Jose, en Californie. C'est sur Brad Eating qu'on nous dit ça.com. À la place d'avoir, donc, un contenant de frites normales debout, les frites à l'ail viennent dans un paper tray, donc un genre de cabaret de papier, si on veut, avec donc de l'ail local fait à Gilroy, une ville connue pour son festival de l'ail. Le plat va vraiment aïoler, là. Ah, oh, que j'aime donc la yalola. Yalatola, comme il est. Donc, des frites avec de l'ail en copeaux, genre de chopped garlic, genre émincé, si on veut. Vous pouvez aller voir des photos sur assemblagerequis.com. Moi, sérieusement, j'en mangerais probablement juste ça comme repas. C'est bien en masse. Ah ouais? Chez McDonald's en Californie à comment on appelle ça? San Jose. San Jose. Tout ce qui est à l'aise, j'aime ça. Ensuite, Lay's Barbecue. Maintenant, avec plus de saveurs barbecue aux États-Unis, et même qu'aux États-Unis, on peut en avoir des gratuites. Ils ont changé leur recette de barbecue classique. Vous savez, au Québec, au Canada, des fois, on a... Est-ce que tu fais un sandwich avec deux chips et du ketchup dans le milieu? Non, je suis en train de te donner une autre chip avec du ketchup, mais j'essayais de la transférer d'une chip à l'autre. Tu t'en donnes, Alinton? Elle vient d'essayer, elle dit que c'est quand même bon. Good. Fais pas semblant de parler, là. Faut que tu parles pour vrai dans un micro. Si tu parles dans le micro ou tu parles pas pantoute? C'est comme ta gueule, mon ami. Donc, leur nouvelle saveur barbecue. Ah, tu m'en donnes d'autres. Ah, t'es ben trop fine, Tania. Merci. Même s'il va falloir que j'essaie de parler en même temps. OK. Je prends ma bouchée tout de suite, c'est trop bon. OK? C'est très bon. Miam! C'est très, très tomateux. Ouais, vraiment beaucoup, ça goûte la pâte de tomate. Mm-hmm. Donc, nouvelle saveur de Lay's Barbecue, plus fumé, plus de sauce, un petit peu plus épicé et rempli de plus de saveurs de barbecue, disent-ils. Ah ouais! La nouvelle saveur barbecue peut être retrouvée en magasin aux États-Unis. On en donne aussi gratuitement en ligne aux États-Unis, bien sûr. Premier arrivé, premier servi sur laysbbq.com. Limite de coupons par achat ou par adresse courriel jusqu'à ce que etc. jusqu'à la fin des Des temps. Je sais pas. Ici, on a deux saveurs de barbecue. C'est ce que je commençais à dire tantôt. Le saveur original barbecue. Puis plus sucré, mettons. Plus sucré. Je crois que celle-là, c'est la saveur un petit peu plus sucrée. Je pense que oui. C'est avec le gros bol de sauce barbecue. Le sac est noir. Donc, c'est celui-là qui a plus de saveur barbecue. Je me demande s'ils vont faire la même chose avec les autres chips de la gamme Lay's pour rajouter plus de pickles. Je sais pas, plus hein? de bacon. Ce serait le fun. Parce qu'il serait temps de changer la recette un peu. Là. Ça manque de bacon, les bacon. Le pickle, par exemple, là, moi, c'est mes chip lays préférés. Ah, je les aime aussi. Est-ce que t'aimes les sel et poire? Oui, quand oui, même. Vraiment ouais. Très bon. On pourra en parler longtemps de nos saveurs préférées de Lay's, mais ce que je comprends pas encore, et je le dis souvent, c'est que je ne peux pas croire que Lay's n'a pas encore sorti de crème sur oignon. C'est vrai. Je comprends pas. Et d'assaisonner non plus. Il y a plein de saveurs qui ne sont pas chez Lay's, et je les comprends pas. C'est vrai, c'est Ruffles qui sont assaisonnés. C'est Ruffles, c'est pas la même chose. Ensuite, un petit Spotted, les amis, c'est les Home Run Crunch. On a parlé la semaine passée, je me rappelle pas de quel produit, mais c'était les American quelque chose qui était en rouge. Je pense que c'est les M&M American. Oui. Ils avaient en bleu, blanc oui. et rouge. Oui, c'est ça. Mais maintenant, pour faire encore plus américain, Captain Crunch aux États-Unis vient de sortir l'édition limitée de Captain Crunch's Home Run Crunch avec des morceaux en forme de batte de baseball. De balle de baseball. Tu sais, en forme de balle de baseball, là, c'est vraiment juste une sphère. Ouais. Mais t'as-tu vu, il y a des mythes aussi, des mythes de baseball. Ben, t'es sûr que c'est pas les Captain Crunch normales qui ressemblent à des mythes? Ah, c'est peut-être ça. Je pense que c'est juste ça. T'as bien raison. C'est bizarre. En tout cas, l'idée est quand même drôle. Je me demande si les petites balles goûtent genre les fraises puis les battes goûtent quelque chose d'autre. Je sais pas, hein? Je sais pas. On se demande toujours à savoir des battes. Hein. Ensuite, bientôt... C'est terrible ce que tu viens de dire. J'excuse, je fais pas exprès. Kellogg's va sortir des Pop-Tarts à saveur de Root Beer IW avec la marque IW dessus et des Pop-Tarts à saveur d'Orange Croche avec du vrai Orange Croche avec le logo d'Orange Croche dessus. Ça pas... Je suis perplexe. Ça a l'air génial, ça. Donc, c'est avec le Dr. Pepper Snapple Group. Ça, c'est la compagnie derrière les deux IW et Croche Orange. Il n'y aura pas de Pop-Tarts au Dr. Pepper pour l'instant. Moi, c'est celle que j'aurais préférée. IW, j'avoue, ça peut être quand même le fun. Il n'y aura pas l'aspect mousseux d'un crème soda, d'un root beer. L'orange, d'habitude, de croche est très, très artificiel. Il y a vraiment un peu comme un popsicle à l'orange. Ça ne goûte pas l'orange. Fait que si la Pop-Tart goûte cette sorte d'orange chimique-là, ça pourrait être cool. Parce que les Pop-Tarts à l'orange pourraient être bonnes aussi. Genre vraiment à l'orange. Ah, et non pas ouais. à l'orange chimique croche. C'est vrai, ils n'en ont jamais sorti. J'en ai pas vu, moi, encore. Donc, bref, c'est aux États-Unis en ce moment. Ensuite, tiens, justement, j'ai mis cet article-là parce qu'on en parle aujourd'hui, c'est le ketchup au sriracha, mais aux États-Unis, on va plus loin que ça. Parce que, c'est les États-Unis, c'est comme le Canada fois 450, c'est ça? Donc, Heinz amène 5 nouvelles sauces barbecue, 4 inspirées par des caractéristiques régionales du barbecue. Donc, les nouvelles sauces sont les suivantes. Kansas City Style Sweet and Smoky Barbecue Sauce. Donc, une sauce épaisse, sucrée, et un petit peu piquante. OK. Ensuite, la Memphis Style Sweet. Linton, elle n'arrête pas d'en manger. Non, mais tu l'as rendu accro. T'as entendu dans tes oreilles ce que le bruit que ça vient de faire? Non, parce qu'elle parle pas. J'ai pas allumé son micro. Ça a parlé en tout cas. Ça squirté. La bouteille a squirté. La deuxième sorte, c'est le Memphis Style Sweet and Spicy Barbecue Sauce. Donc, une sauce riche et sucrée avec un petit peu d'épices. Tu vois que ça ressemble pas mal des descriptions d'une à l'autre. Sauf que celle-là est faite avec de la cassonade. Oh, et les saveurs du dry rub traditionnel de la région, donc comme sur les côtes levées de Memphis. Mais j'ai vraiment l'impression que ceux-là, on pourrait très bien les utiliser sur des côtes levées. Absolument. Ensuite, tu as Texas Style Bold and Spicy Barbecue Sauce. C'est riche, rempli de saveurs avec un petit kick, avec du cumin, c'est ça, oui. Cumin, et de la peau de chili. Ah, OK, ouais, ça serait bon. Ensuite, tu as le Carolina Vinegar Style Tangy Barbecue Sauce, là. Je mets des là, mais c'est des là. Avec un petit kick, le genre, tu sais, qui te fait mal les joues. Là, un petit genre un petit surette, genre, donc du cidre de pomme, avec un petit peu de sucré et d'épices, parfait pour le porc effiloché. Ah, ben oui. Ah. Et finalement, la Classic Sweet and Thick Barbecue Sauce, un vrai classique du style sucré, épaisse, délicieusement balancé ou équilibré, 100% naturel et quelque chose qui va faire plaisir à tous. Donc, les 5 nouvelles saveurs de sauce Heinz en format 20 onces. Pareil comme toutes les autres bouteilles signature de Heinz, en bouteille à l'envers, prix suggéré de $1,49 américains. Il y a aussi leur simple pack Pitmaster Collection pour les maîtres du barbecue. C'est des bouteilles de 11 onces de chacune de ces sauces-là. Donc, tu peux les acheter un peu comme tu achètes les moutardes ketchup relish en emballage pour le barbecue. Ça a l'air tellement bon. Mais c'est sûr que ça va se vendre, ça. Ah oui, j'ai hâte de recevoir ça ici au Québec. Ensuite, on va au Royaume-Uni maintenant avec le festival annuel des grands goûts de l'Amérique. Oui, des goûts américains au Royaume-Uni en 2016. C'est un petit voyage que, que le Royaume-Uni fait chez McDonald's à chaque année. Il commence avec le Tennessee Barbecue Themed Burger pour les deux premières semaines. Donc, c'est un menu américain, entre guillemets, avec des hamburgers et des sandwichs inspirés par des régions ou des États des États-Unis. Même si des fois, les ingrédients vont absolument pas avec la région. Là, eux, c'est ce qu'ils pensent que les régions ont aux États-Unis, ça, hein? Selon je sais pas quelle culture qu'ils ont. Le Tennessee Stack, c'est deux boulettes de bœuf, bacon, fromage fumé, sauce barbecue style Tennessee, oignons grillés et laitue sur un pain à la farine. C'est pas même jusqu'au 10 mai. Après le Tennessee Stack, ce sera le New York Stack qui rend hommage au Big Apple avec un pain sésame et graines de pavot à la place d'avoir... C'est un bagel à la place d'être un pain. Mm-hmm. Un bagel. Entre deux parties de bagel, t'as deux boulettes de bœuf, de la salade de choux, du fromage cheddar, ketchup, moutarde, cornichons à la nette, bacon et laitue. Jusqu'au c'est du 11 mai au 24 mai. Et finalement, le Tex-Mex Stack qui va terminer ça avec deux boulettes de bœuf, du fromage pepper jack, de la sauce épicée fumée, tomate, laitue et des bouts de tortilla sur un pain chaud et piquant. Donc, ça va être un pain au chili, en fait. Ça devrait arriver le 25 mai et partir le 7 juin. Il y a aussi le Spicy Buffalo Chicken, qui est un deuxième hamburger new-yorkais, qui est disponible en piquant ou extra piquant. Et contrairement aux autres burgers, il est disponible pendant la promotion au grand complet. Donc, mois de mai et juin, dans le fond, pendant tout, lui, il ne changera pas. Buffalo sauce barbecue buffalo, fromage pepper jack, bacon, laitue et oignon sur un pain sésame ovale. Voilà. Ça a l'air délicieux tout ça et c'est au Royaume-Uni. Ensuite, Krispy Kreme offre des petits minces à tremper dans le café. Tu sais, quand tu trempes du chocolat dans le café, oui. Ça fond. Ça fait des mochas. Ça fait des mochas. Donc maintenant, c'est des bâtons que tu peux utiliser pour brasser et ensuite les manger sans que ça fonde. C'est donc chez Krispy Kreme, les Coffee Thins. Disponible en trois saveurs, original glacé, caramel macchiato et cappuccino. C'est distribué et fabriqué par Tierra Nueva, qui crée aussi des Coffee Thins pour d'autres marques. Entre autres, j'avais déjà essayé ceux de 8 O'Clock, c'est à la menthe, chocolat menthe, qui venait en genre de petit tube, un cylindre. Oui. C'était super bon. Il y a aussi H-E-B et Walgreens qui ont leur propre Coffee Thins. On peut les trouver chez Walmart aux États-Unis, Food Lion, Southeast Grocers et Southeast Circle K, les dépanneurs aux États-Unis. Ici, il y a des beignes Krispy Kreme dans certains dépanneurs, genre couche-tard. Ouais. Je me demande si peut-être qu'il va y avoir ça, un petit accessoire pour aller à côté. Peut-être. Ce serait une maudite bonne idée. Ensuite, Pizza Hut amène la croûte farcie au bacon. Ah, ben oui, il fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive, et c'est pas juste n'importe quel bacon cheapo, c'est du bacon fumé de pommier. Ah, hein? Ouais. Bacon and Cheese Stuffed Crust, on connaît déjà ça, c'est arrivé en 2014, on avait déjà parlé. Ici, ils ont changé la version avec Bacon Stuffed Crust Pizza avec du Applewood Smoked Bacon, 13$ pour une seule garniture. Évidemment, il n'y a personne qui prend une seule garniture sur sa pizza, mais quand même. C'est disponible pour un temps limité. Évidemment, c'est un ajout, la croûte à votre pizza normale. Ça me semble quand même bon. Ça a l'air excellent. Spotted encore une fois, mais en Australie cette fois-ci, c'est le Pop-in Microwave Popcorn Pizza Flower. C'est du popcorn qu'on met au micro-ondes et qui goûte la pizza à margarita. Donc, pizza tomate et je crois que c'est ail. Tomate et ail. Je pense que c'est de la menthe. Margarita, ouais, hein? Ça se peut que ce soit de la menthe. Bref, apparemment, et ça, ça va au micro-ondes, c'est même pas de la poudre que tu mets dessus, c'est le popcorn goûte ça quand tu le passes au micro-ondes. Ça s'appelle donc Pop-in Microwave Popcorn Pizza Flavor. En Australie. Ensuite, le Wall Street Journal nous dit que c'est la compagnie Hershey qui essaie d'entrer, de se positionner dans le marché, non seulement des barres de chocolat, comme on connaît leur chocolat habituellement, oui. Mais aussi dans une nouvelle ligne de beef jerky. Ah, ben oui, j'ai vu ça. Ça s'appelle la ligne Crave de beef jerky chez Hershey. Donc, selon le Wall Street Journal, ça dit que ça combine le goût du beef jerky avec la marque Crave. Pourquoi la marque Crave, je ne sais pas. Nous, la marque Crave, c'est pour les céréales au chocolat, fourrées au chocolat. Et ça dit que la marque Crave, c'est une compagnie de produits santé qui existe depuis 125 ans. C'est pour ceux qui sont associés ouais, avec ça. Oui, ils veulent comme amener le bon beef jerky. Ouais, comme bon pour se nettoyer les dents, genre. Non, mais tu sais, je pense que ça a l'air d'être ça. Je sais pas. Ouais. Apparemment, ils vendent moins de chocolat qu'avant, donc ils essaient des nouveaux marchés. Le chocolat a ralenti aux États-Unis depuis 2010 avec les ventes annuelles qui ont descendu, donc qui ont augmenté de seulement 4 % comparé à 10 % de plus de ventes par rapport pour les produits de la viande pendant la même période. Donc, j'essaie de rendre le beef jerky cool. Allez voir les détails, il y en a vraiment beaucoup sur assemblagerequis.com. En plus des produits de la viande, Hershey essaie des barres végétariennes et une nouvelle ligne nommée SoFit qui utilise des graines de tournesol garnies de protéines ainsi que des amandes. Il y a cette plein d'affaires. Sure. Ensuite, McDonald's teste une nouvelle recette de poulet sans agent de conservation. Pour essayer d'augmenter son chiffre d'affaires aux États-Unis, on considère quelques grands changements. La chaîne dit tester des croquettes de poulet avec une recette sans agent de conservation. On dit qu'on commence dans 140 magasins en Oregon et à Washington au mois de mars. Donc, c'est déjà commencé, selon Chicago Business. Les détails sont pas super précis en ce moment, mais on dit que ça va être une recette plus simple et que les parents vont pouvoir apprécier. Une porte-parole de la chaîne a refusé de confirmer si ça voulait dire que la nouvelle recette allait passer à l'échelle nationale un jour. Elle ajoute aussi que les consommateurs, les clients du Pacifique Nord-Ouest ont répondu de façon favorable à la nouvelle recette. Donc, on va suivre le dossier, bien sûr. Ben oui. C'est bizarre, c'est aux États-Unis. Tu connais les Girl Scouts, les genres de scouts féminines. Oui. Aux États-Unis, ont des... Les Jeannettes. Les Jeannettes, excuse-moi, je cherchais le titre. Il n'y a pas de problème. J'aurais dû y penser. Mais aux États-Unis, ils vendent des biscuits pour faire des levées de fonds. Oui. C'est bien populaire aux États-Unis, des petits biscuits à l'amande, des trucs comme ça, des biscuits au caramel, peu importe. Donc, la seule façon, habituellement, aux États-Unis, d'acheter des biscuits des Girl Scouts, des Jeannettes, c'est de leur part. Hein? Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs magasins à rabais en Caroline du Sud qui finissent par vendre ces biscuits-là pour environ 90 % de rabais? Oups. La station télé WSPA à Spartanburg, en Caroline du Sud, qui a étudié le dossier, ce mystère-là, et apprend que les magasins ont acheté ça d'un revendeur qui les avait reçus d'un... de confectionneur de biscuits en tant que don. Après la plus récente conclusion de la plus récente saison des scouts, donc les scouts ont terminé, ils ont renvoyé leur stock à la compagnie qui fabriquait les biscuits. Oui. Et la compagnie de biscuits a vendu ça à cette compagnie-là de magasins à rabais. Donc, on sait maintenant pourquoi qu'il y a des magasins de Girl Scouts un petit peu partout aux États-Unis à rabais, ce qui est spécial parce qu'habituellement, c'est quelque chose que tu attends chaque année. Tu attends que les jeunettes viennent chez vous. C'est vrai, les petites jeunettes. Exact. Ensuite, tu te rappelles peut-être, en fait, je ne crois pas que tu t'en rappelles parce que je ne crois pas qu'on ait eu ça ici. Tu me diras si tu as déjà vu passer ça, les ailes de poulet chez McDonald's, toi? Non. Moi non plus. Ça s'appelait les Mighty Wings. Aux États-Unis, ça a été tellement un flop qu'on a arrêté ça très rapidement et qu'on s'est ramassé avec des congélateurs pleins de Mighty Wings. Et bien là, les Mighty Wings reviennent à Atlanta. Pourquoi? Est-ce que tous les magasins, tous les restaurants de McDonald's ont leur stock d'ailes de poulet? Ils ont renvoyé ça tout en Atlanta? Je sais pas. Hein? Peut-être, mais on a ramené ça avec les mêmes sauces, les mêmes emballages en carton qu'à l'époque. C'est comme un flashback à 2013, parce que ça date vraiment d'il y a longtemps, 2013, les Mighty Wings. C'était des ailes de poulet frites enrobées d'un enrobage croustillant. Plusieurs mois de tests, c'était un échec. Comme je disais, il y avait 10 millions de livres d'ailes de poulet dans leur congélateur chez McDonald's en tout. 10 millions de livres. C'est beaucoup. La raison que ça se vendait pas, entre autres, c'est parce que les ailes étaient vendues à 1$ par aile. C'est vraiment trop cher pour les ailes de poulet. Surtout que les ailes de poulet faites maison et en temps réel, pas congelées, dans des restaurants, ça coûte un petit peu moins qu'une pièce. Mettons. En dollars américains dans ce cas-ci, évidemment. Donc, les ailes sont de retour pour un temps limité à Atlanta. C'est pas un test. Ils disent qu'il n'y a pas grand-chance que ça revienne au niveau national, mais ils ont dit que les Juicy Bone-In Chicken Wings dans une sauce épicée seront disponibles jusqu'au mois de juin. Donc, pour l'instant, c'est temporaire, c'est pas un test. Payez-vous un trip à Atlanta, au pire. Pourquoi pas? Hein? C'est Atlanta. Pas si loin. Les psychologues ont osé révéler, ou en tout cas trouver des... une pyramide de qualité en termes de céréales. Donc, c'est une psychologue sociale, Erica D. Price, qui s'est inventé un petit système pour coter les céréales de déjeuner. On ne sait pas quels critères elle a utilisé pour se rendre au résultat final. Les résultats restent très, très subjectifs. Mais quand même, on va en parler un peu pour voir si on comprend ça. Tu as le God Tier, qui est le plateau, le niveau, le palier. On va dire le palier. Le palier, si on veut, du miracle incarné, la meilleure chose au monde. Donc, on a les Frosted Mini Wheats. OK. OK, bon, ça, c'est celles qui sont sucrées des deux côtés, je pense. Tu as les Rice Krispies Treats. Ça, c'est des carrés au Rice Krispies, mais en forme de céréales. OK. T'as les Reese Puffs. On n'a pas ça ici, malheureusement. Les Reese Puffs, tout le monde connaît ça. Oui. Les S'mores, qu'on n'a pas non plus ici. C'est un peu comme les Crave. C'est genre biscuits okay. Graham, guimauve et chocolat. Ah, d'accord. Et t'as les Cinnamon Toast Crunch, les crottes cannelle. Ben oui. Ça, moi aussi, c'est sur mon premier palier, c'est ça. T'as le top tier, le palier du haut, mais pas complètement en haut. T'as les Lucky Charms, mm-hmm. Golden Grams, mm-hmm. les Honey Bunches of Oats. OK. Ça, c'est celle... Il y a un nom en français pour ça, les Honey Bunches. Oui, et les, je me souviens, c'est quoi? En tout cas, les bouquets mielleux, là. T'as les Cocoa Puffs, mm-hmm. un petit peu comme les Reese Puffs, et t'as les Cocoa Pebbles, qui est encore une fois la même affaire que les Reese Puffs, c'est juste que ça goûte le chocolat au lieu du beurre d'arachide. T'as le mid-tier, le palier du milieu, t'as les Cheerios mais les noix. Mm. J'ai fait l'erreur d'acheter les Cheerios traditionnels parce qu'ils étaient en spécial cette semaine. Ah oh non. J'avais oublié que Cheerios traditionnel, c'était juste de l'avoine. Oui. Rien d'autre. Fait que je mets du miel dessus. Ouais, c'est une bonne idée. Ensuite, t'as les Golden Crisp, les Raisin Bran, les Butternut Crunch de Post et les Four. Ces deux-là, je ne les connais pas. Le low tier, ça c'est comme en bas, mais pas complètement en bas. T'as les Frosted Flakes, que pourtant moi je trouve ça très bon, les Frosted ouais. Flakes. Les Life, ça c'est plate à mourir. Les Crispix, il n'y a rien qui goûte moins rien que ça. Plus rien. En fait. T'as les Cheerios, je crois que c'est pomme cannelle. Je pense que oui. C'est mes préférés dans les Cheerios. J'adore les Cheerios pomme cannelle. Je les adore. Ben moi, tu vois, c'est le prochain. Les spécial cas. Ah, moi, là. T'aimes ça? Oh, ça goûte rien, il faut que tu mettes une tasse de sucre. Mais non, j'adore ça, les spécial cas. Tu vois comment les goûts sont très subjectifs. C'est vrai, hein? Et le shit tier, qui est le palier, là, vraiment comme en dessous du palier, t'as comme creusé un trou. T'as les Kellogg's Pops, ça c'est comme des espèces de bulles d'air. T'as les Fruit Loops, pourtant, Fruit Loops, comment? Quand même, Fruit Loops. Les Kicks, ça goûte rien, c'est comme genre au maïs. Là, c'est vrai, hein? Les Apple Jacks, que j'aime beaucoup, qui ressemblent énormément aux Cheerios Pomme Cannelle. Et t'as les Honeycomb, que j'adore aussi. Donc tu vois, moi, Honeycomb, j'adore ça. Je comprends pas. Tu mets ça dans le shit-tier. Honeycomb, c'est vraiment... ouais, j'ai grandi avec des honeycombs. Ça goûte super gros le miel. C'est génial, ça fond dans la bouche. Je devrais en acheter plus souvent. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté ça. Ça me fait me rappeler qu'il faut que j'achète des affaires. Hein? Je suis un fan de céréales, on va se dire. Mais ça a été basé sur quoi, là? Ou sur une recherche, le genre social, sur une personne? Probablement, je sais pas. J'ai aucune espèce... C'est genre à manger toutes les céréales en dedans d'une semaine pour les tester. Ça se peut, ça. Sûr, c'est sûr. Se fait tirer des roches sur Internet depuis qu'elle est sortie. C'est sûr. Ensuite, la nouvelle est sortie hier, lundi, sur TVA Nouvelle, une source sûre d'information, mais qui vient quand mais qui vient quand même d'une source que j'avais ailleurs dans mes nouvelles, c'est que là, il est en français, fait que je l'ai pris pour TVA Nouvelle. Une femme de l'Illinois a intenté une poursuite de 5 millions de dollars contre Starbucks parce qu'elle prétend que la compagnie de restauration met trop de glace dans ses boissons froides. Ben, elle a pas tort. Elle a pas tort, parce que même à la chaise-galerie, mais tu sais, je peux comprendre la raison qu'on met beaucoup de glace dans un verre. Quand tu fais des produits glacés qui sont à base de café chaud, tu sais que Starbucks, leur café est extrêmement chaud. Oui. Il faut que tu mettes beaucoup de glace pour qu'il devienne froid instantanément pour que tu puisses le prendre quand tu t'en vas. Mm-hmm. Fait qu'à la chaise-galerie, ils mettent de la glace jusqu'à ras-bord du verre. C'est normal, le café est chaud. T'sais? Donc Stacy Pincus a déposé un recours collectif devant un tribunal de cet État alléguant que la trop grande quantité de glace employée réduisait le volume réel des boissons Starbucks. Selon elle, les clients obtiendraient un volume jusqu'à 50% inférieur, oui, à ce qu'annoncent les menus de la chaîne. Ça, j'avoue que dans le menu, ça pourrait être écrit en termes de qu'est-ce que tu mets vraiment dans le verre. Ouais, hein? Ça va. Je cite, le mot boisson est défini par liquide qu'on peut boire. Par définition, la glace n'est pas une boisson. Quoi que ça fond. Ouais, mais c'est quand ça fond, c'est parce que t'as fini de le boire. Hein? Ouais, mais t'as bu quand même pas mal de glace en tant que tel. Oui. Bref, en conséquence, Starbucks offre des boissons froides dont le contenu est inférieur à ce que les clients commandent épais. C'est vrai qu'avec les prix qu'ils chargent chez Starbucks, on peut s'entendre là-dessus. D'après la poursuite, Starbucks réduit intentionnellement le contenu réel de ses boissons froides pour faire plus de profit. Au cours des 10 dernières années, les consommateurs américains auraient été privés de 5 millions de dollars. Oui, oui. C'est tout à fait réaliste. Ben, oui. Starbucks a réagi en affirmant que la poursuite est sans fondement. Je dis que je suis un petit peu d'accord avec la fille et un petit peu avec Starbucks. Je pense pas que ça mérite une poursuite, mais ça mérite qu'on en parle et que peut-être que les règles changent. Et peut-être que sur leurs affichages, ils vont mettre le vrai total de liquide. Ah ouais, t'as-tu vu ce qu'ils disent? Si un client n'est pas satisfait de sa boisson, nous la referons avec plaisir. Ah, voilà. Moi, je connais pas des Starbucks qui t'auraient dit « Va-t'en ». Non, c'est assez systématique. C'est pas mal machinal, là, l'affaire. Encore et maintenant, la bombe pizza, c'est une bulle de pâte avec de la pizza dedans qu'on met en feu à la table. Ben là, c'est donc même agressif. Korean Bomb Pizza, c'est une pizza cachée dans une grosse boule de pâte. On remplit, on badigeonne... D'huile. Genre. Et on met le feu un peu comme des sambuka. Hein, ouais. Dans une pizza. Ça va vraiment cool. La petite vidéo, pour la décrire, ça dure une minute environ. On les voit en train de... C'est vraiment gigantesque. Là, c'est vraiment gros. c'est immense. C'est de la grosseur d'une badane, genre de personne qui a une badane. Ouais, ouais. Et là, on voit vraiment le feu pogné après. Et éventuellement, on va pouvoir couper avec des ciseaux la boule de pâte Et à l'intérieur, on va ouvrir le capot de la pâte avec des pinces. Et à l'intérieur, on retrouve... C'est comme une calzone, finalement. Oui, c'est ça. Mais qu'ils ouvrent. Mais qu'ils ouvrent. On dirait une patate. On dirait vraiment une pleure de patate. Et de là, ils ont mis de la garniture à pizza. Ça a l'air génial. Et là, j'imagine que la pâte est mangeable dessous, j'imagine. Je sais pas. Mais en tout cas, on le voit découper avec ses ciseaux la pointe de pizza jusqu'au milieu. Ben oui, c'est mangeable parce que c'est la pâte de la pizza. Ouais, ben c'est qu'ils ne montent pas en train de le manger, mais j'imagine que tu pourrais aussi prendre ta portion et la rouler pour rouler l'intérieur de la pizza, pour faire un genre de cigare. Probablement. Mettre ça en feu. Ouais. Terrible, terrible. Ensuite, j'ai pas envie d'arrêter jamais. Il ne reste plus ben de temps. Là. Non. On va finir avec ça, tiens, une barista qui fait des lattés avec, tu sais, la mode des arcs-en-ciel, on a parlé la semaine passée, l'arc-en-ciel sans cesse, on avait des cupcakes à arc-en-ciel, les pizzas arc-en-ciel avec du le maquillage. Fromage. Du maquillage arc-en-ciel, tout ça la semaine passée. Cette semaine, c'est des lattés avec des décorations, tu sais, quand les baristas vont faire un petit ours. Cœur, n'importe quoi, sur votre café, sur votre latté. Maintenant, ben, cette fille-là fait des formes en couleur arc-en-ciel. Ben oui. Donc, c'est Kelsey Ford, la barista chef chez Brooklyn Roasting Company. Donc, elle nous montre dans cette petite vidéo comment faire ces rainbow lattes-là. Donc, je vais partir ça. C'est un petit 1 minute 45. Évidemment, ces vidéos-là vont beaucoup trop vite habituellement. Donc, on va voir si ça fait la même chose. Donc, elle mélange du colorant artificiel dans son lait. Juste un petit peu. Mm-hmm. Elle le verse dans un bol. Et après ça, en versant le bol, elle va faire ses formes par-dessus en faisant un zigzag. Et va soulever son contenant. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est de mettre le colorant dans le bol, jaune, mettons, mettre le reste du colorant dans son petit contenant, et là, vraiment le brasser pour pas que ça fasse d'arc-en-ciel du tout. Et après ça, elle va commencer à le verser dans son bol, dans son bol à latte. Et là, elle va par shot, en faisant... elle pitche son genre de gris, ça fait comme un genre de gris mauve. Gris mauve. Et elle met de l'érable ou quelque chose comme ça dessus. C'est super facile à faire. Ça prend 2 secondes. Donc, allez voir la recette, entre guillemets, c'est vraiment trop simple. Elle a même fait une petite thématique Prince avec du mauve, là, en mélangeant du bleu et du rouge, comme on a appris nos couleurs primaires avec Marie-Christine Perra tantôt. Ouais. On est maintenant capable de suivre. Et OK, je peux pas résister au dernier. Hein? C'est 10 saveurs sur un seul cornet. Mais non. Oui. Hey, c'est ben trop gros. Il n'y a aucun détail là-dessus, absolument aucun détail, mais le cornet, ils ont réussi à mettre 10 étages de crème glacée dessus et ça se mange et la personne, on voit pas le cornet après 2 minutes quand il a commencé à fondre sur sa main. C'est clair qu'il a fondu, là, pis c'est clair qu'il a tombé. Mais ça te fait du maquillage arc-en-ciel. Ah, oh, rien de mieux. T'sais? Voilà, c'est tout pour cette chronique de Grosse Pointe d'Adresse. On parlera d'une femme qui mange 50 Krispy Kreme en même temps une autre fois. Oh, mon Dieu. Tellement de nouvelles absolument impertinentes dans ces chroniques-là, mais j'adore ça, en apprendre plus sur le fast-food. Et on rappelle que le produit qu'on a goûté aujourd'hui, c'était le ketchup Heinz au Sriracha. Et c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. Tania, peux-tu croire ben à ça? Ouais. Ça a vraiment passé vite, comme ça toujours. Ça a passé vite, c'est fou. C'est peut-être aussi parce qu'on a terminé l'émission une heure plus tôt qu'à l'habitude. Ah, c'est peut-être pour ça. On vous rappelle qu'on est tout l'été, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, les mardis entre 14h et 17h, une heure plus tôt que les semaines précédentes. On est en rappel les samedis à midi et les dimanches à 10h. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, pour les auditeurs du mardi, tout l'horaire change au complet. En fait, je vous en parlerai pas trop parce que j'ai pas encore mis sur le site web. Donc, mardi, 14h à 17h, samedi, midi, dimanche, 10h. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ensuite, avec une dernière pièce, si tu le veux bien, on va y aller avec une pièce qui est sur le palmarès. C'est une nouvelle entrée, en fait, qu'on n'a pas encore entendu tant que ça depuis les dernières semaines parce que, Colin, il y a un palmarès aux 2 semaines puis on n'a pas tant de place que ça pour de la musique. On va y aller avec une pièce qui se nomme, tu sais, Electric Landlady par Person. Landlady, ben oui. Comme dans une propriétaire qui, étant donné nos troubles de financiers, vont devoir peut-être attendre quelques jours de plus pour leur loyer. Peut-être. À la semaine prochaine, mardi, 14h. Bye, Tania. Bye. Steve.